Il y a des petits malins. Hein. Ouais. Merci beaucoup pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, hashtag LoveInFun. On va accueillir pour la question de l'internat ce soir, Dwayne, qui est avec nous. Allez, 21 ans de Digne-les-Bains. Salut. Bonsoir, Dwayne. Salut, salut. Salut, Dwayne. Mais alors, t'es le surveillant à l'internat, toi? Exactement, je surveille les 10 élèves, là. D'accord, c'est génial. Tu fais la fête avec eux, alors? Non, justement, j'allais les calmer et ils étaient au téléphone à ce moment-là. Donc, Et ce soir, à l'internat, Alexandre Davinel à Digne-les-Bains, est-ce qu'on peut se murger la gueule? Oui, non, pas ce soir. Ah oui, non. Oui, Et alors, donc toi, t'es un surveillant plutôt cool, ils ont le droit de se coucher à quelle heure, d'écouter l'émission? Jusqu'à 22h, à partir de 22h, ils pourront discuter et là, ça sera plus sévère. Et tu fais la fameuse phrase extinction des feux. Non, on n'est pas comme ça quand même. Nous, on passe dans les champs, on discute avec les élèves. D'accord. Et sinon, t'as une question? On les berce, les berces. Ça s'arrête là, j'espère. Ah oui, non. Mais... Il y en a, ils ont des pyjamas Télétobies, ils ont tout quand même. Hein. Ah, Télétobies, d'accord. La question de l'internat, Dwayne, parce que je te sens là, très entouré moi, là. C'est très chaud. Alors, c'est quoi la question ce soir? La taille compte vraiment. Est-ce que la taille compte? La taille de quoi? La taille du zboob, Doc. Non. Les filles apprécient la taille de verge préférée des filles, c'est 12-14 cm en érection. Ouais, alors Dwayne, n'oublie pas que si Doc dit ça, c'est parce qu'il a une petite verge. Non, ça a été étudié. Le pauvre, c'est méchant. Voilà, oui. Et Donc, 12-14, c'est pas la peine d'en avoir une grosse, c'est ça que ça veut dire. Dwayne, est-ce que tu peux faire gueuler tout le monde pour foutre un gros bordel ce soir sur Fun Radio, là? Juste une dernière fois et après on arrête. Hein. Allez. Allez les gars, vas-y. Allez. Et tu peux me passer juste un élève là, vite fait là, allez. Justin. C'est toi. Toi. Allô. Ouais, tu t'appelles comment? Hugo. Salut. Hugo, et vous prenez votre surveillant là, maintenant vous le foutez sous la douche. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, allez-y les gars. Il va le faire. Ah ouais. C'est parti. Ils ont tous cette colère. Ils le font. Ça a raccroché. Trop fort. Attends, ils nous ont mis. Ils ont dû appuyer sur le bouton. On est en attente. Bon, ouais, allô. Ouais. Allô. Ouais, ça y est, il est sous la douche. Ouais, il est sous la douche. Ah, bravo. Bravo, l'internat. Ah, c'est comme ça qu'on maîtrise un surveillant. Hein, et que ce soit valable pour tous les internats qui nous écoutent ce soir. Ils vont être collés pendant une semaine, c'est malin. Mais c'est pas grave, ils auront distribution de capotes. Je te fais une grosse bise, mon pote. Merci d'avoir été là. Merci à vous. On embrasse Dwayne. Merci, Fun Radio. Salut les gars. Salut. Ciao. Au revoir. Vous raccrochez pas, on vous envoie des capotes là, dans toute la France. On va se retrouver dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. Merci pour cette belle soirée qu'on a passée avec vous. Dès demain 20h sur Fun Radio en direct. On va retrouver maintenant les filles. C'est le night show qui commence. Oui. Bonsoir les filles, ça va bien? Oui. Et tout? Mais pleine forme. Mais c'est vrai qu'on s'est parlé aujourd'hui, vous et nous. Donc. Mais bien sûr, mais c'est vrai. Mais bon, pour les auditeurs, c'est comme si on se découvrait chaque soir. Toi, tu parles toujours un peu du nez, hein? Ouais, non, mais c'est parce que j'aime bien, en fait. Ça me donne un style. Hein, tu vois? Non, mais c'est vrai que c'est un peu la galère. Hein. Faut consulter, peut-être, non? Faire quelque chose? Non, parce qu'en fait, tous les soirs, je travaille avec un médecin. Non, attends. Et il me dit que c'est normal. Un rhume traité guéri en 7 jours et un rhume pas traité en une semaine. Voilà. Donc, j'ai commencé à. J'ai pas compris. Jeudi. Jeudi. Pareil, en fait. Hein. Ah, bravo! Normalement, ce sera bon pour jeudi. Je remercie notre auditeur du soir parce que je l'ai oublié. Alexandre, je te fais une grosse bise, mon Alexandre. Salut. Alexandre? Ouais. C'est quoi cette musique? Je sais pas. Mais c'est là, parce que maman a dit qu'il fallait se coucher. Alexandre, il est temps d'aller au dodo. Maman l'a dit. On fait un gros bisou à Corinne, sa maman. Salut Alexandre et bonne émission les filles. Amusez-vous bien et à demain. Bisous. Ciao. Tous les soirs j'écoute le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show sur Fun Radio. De 22h à minuit avec Marion et Anso. Avec Marion et Anso. Avec Marion et Anso. Tous les soirs 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir la France. Allez, et bienvenue sur Fun Radio. Yo. Arrêtez. What's up, guys? Il est 22h02. Vous êtes dans le Night Show. C'est Marion et Anso. Et on est bien contents de passer ce mardi soir avec vous. Ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes en forme, l'équipe? Ouais. Je vous entends pas, l'équipe. Ouais. Une dernière fois, l'équipe. Ouais. Non mais t'imagines, notre ambiance insupportable si on animait l'émission comme ça toute la soirée. Ah, ça peut me chauffer. Ça serait quand même très chelou. Comment ça va, Anso? Écoute, ça va très bien. On est mardi, je me trouve bonasse. Voilà. C'est tout. Ah bon, d'accord. Boulard l'autre. C'est vrai qu'alors, elle est plutôt bonasse. Aujourd'hui, elle a fait péter le bustier noir. Ouais. Avec le petit sautoir, le collier qui va bien, les boobs en avant. C'est pas mal, hein. Et fièrement tendu à la France. Ah, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On a passé une super journée, en tout cas. On vous a préparé plein de choses. Et ça y est, on est hyper contents là parce qu'on vient juste de vous mettre la vidéo de la soirée d'hier en ligne avec Kev Adams, avec notre géant Brahim qu'on adore et qu'on embrasse très fort. 2 mètres 46 quand même. C'est énorme. Il nous a fait cette belle surprise avec Geneviève de Fontenay qu'on remercie encore une fois. Et avec Kev, évidemment, c'était une soirée de malade. Allez voir la vidéo, elle est franchement fraîche. Elle est juste géniale. On a juste prouvé à Kev Adams que tout était possible, en fait. Oui, c'est vrai. Il était content. En tout cas, ce soir, dans le Night Show, l'incroyable talent sera de retour. Il y aura aussi le Pokélost. Et puis, on va parler de vos pires histoires de soirée. Je suis sûre que vous en avez. Des loose, des trucs cassés, des trucs marrants. Appelez-nous 01 42 48 5000. Et puis, on parlera aussi d'amour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aimer deux personnes à la fois? De la même façon ou pas, peut-être pas de la même intensité. Venez nous en parler, on va parler de ça avec vous toute la soirée. Pour le son, on va avoir le son qu'on adore dans cette émission The Weeknd avec Daft Punk. Tellement smooth. Et on aura aussi celui qu'on reçoit jeudi dans cette émission, c'est Alex Ayono. Voix de ouf, physique de ouf, ça sent le bon moment. Non mais il a une tête de beurre, il a l'air smooth quoi. Complètement. C'est ça que je veux dire. Il y aura Sound of Legend qui va débarquer aussi dans un instant. On sait que vous kiffez ce morceau, ben ne bougez pas, ça arrive. Bonsoir Amir de Réseau Sauce. Waouh, wow. C'est quoi ça? Ce cri de guerre tout pété quoi. J'avais tenté quelque chose mais j'ai un truc dans la gorge. Bon, ça va Bichon? Bien et vous les filles? L'équipe, est-ce qu'elle va bien l'équipe? Ouais. Ah, ça marche moins bien avec toi. Amir, si tu veux le faire, il faut que t'ambiances les gens. Bah oui. L'équipe, est-ce que ça va? Ouais. J'adore. Voilà. Bon les filles, je vous parle d'un truc aujourd'hui, c'est une application, elle est vraiment extraordinaire. Anso, t'es concernée? Vas-y. C'est une application qui vous permet de suivre vos amis Facebook sur Tinder. Wow. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire que tu peux voir si tes amis Facebook sont sur Tinder. Exactement. Ouais. Attends, je la veux immédiatement, je veux l'installer tout de suite. Grâce à cette application, vous allez pouvoir suivre vos amis qui sont sur Facebook. Vous allez pouvoir voir s'ils ont été au moins une fois sur l'application Tinder. Mais attends, mais... combien de temps ils passent par jour, etc. C'est horrible pour les gens infidèles. Wow. Oui. Attends, comment ça s'appelle? Alors, l'application. Elle s'appelle... Il l'a perdu. Si, non, elle s'appelle Friend Swipe. Donc friend en anglais et swipe S-W-I-P-E. Obligé, c'est payant. Et là, je sais pas pour l'instant. Je sais pas. Je vais aller la télécharger moi aussi là juste après pendant le disque. D'accord. Et c'est friend sans S. Sans S, ouais, tout au singulier. Ouh là là. Et je pense que cette application va créer beaucoup d'embrouilles. Va bien foutre la merde, ouais, je crois. Pourquoi ouais, ils font ça? Non, mais bon, après, tu peux toujours t'en sortir en disant, bah, j'ai téléchargé l'application avec des potes une fois comme ça. Mais non, mais parce qu'en fait, sur Tinder, quand tu rencontres quelqu'un, tu vois si la personne est amie. En première zone avec tes amis Facebook ou en seconde zone. Mmh. Genre si c'est un ami d'amis. Mais t'arrives pas à savoir vraiment, tu vois. Ouais. Excuse-moi, la pro de Tinder. J'adore. Bon, on va faire des tests pour vous. On va essayer de la télécharger. On vous dit ça dans un instant si c'est payant ou pas. Okay. Friend, swipe. Allez. Bonsoir Thibaut à l'area. Coucou les filles. Ça va, pas de Tinder, toi? T'es un homme fidèle et sage. Ah non, jamais de Tinder. Bon. Fini ça. T'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une bonne journée, mais faut que je vous avoue un truc, c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, j'ai commis une infidélité. Comment ça? Je suis allé boire des verres avec Yannick du Standard, ouais. Et je lui ai dessiné un cœur sur les fesses. Oh non! C'est vrai ou pas? Parce que ça m'angoisse hein, si c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais les gars, vous avez des photos de ça? Ouais, j'ai une photo, ouais. Mais faut la partager. Là, Thibaut à l'area, Yannick du Standard et Enzo du Standard, parfois, souvent même, ils sortent après l'émission. Ouais. Et c'est pas Jojo. Non. Ils font des trucs improbables, les gars, faut se calmer. Mais... Et vous regrettez là, les garçons, ou pas? Non. Non, le cœur est toujours sur mon cul, donc. Ah ouais? Ah oui, je viens de voir la photo. On va pas la publier. Ah, parce qu'on voit quand même bien la fesse, mais effectivement, on a la preuve. Thibaut de l'area. Ouais. T'es rentré à quelle heure du coup? 7h. Non mais les gars, je comprends pas comment il fait. En plus il m'étonne. Parce que quand je suis arrivée à la radio tout à l'heure, il me dit oh tranquille, je suis rentrée à 3h30, 4h. Quel gros mytho. Faites attention quand même hein. Pas d'erreur ce soir, sinon je mettrai ça sur le compte de la fête. Ouais. Je suis pas du tout fatiguée, j'ai assez dormi, je suis en pleine forme. On verra ça. Bonsoir Enzo du Standard. Bonsoir tout le monde. Ça va toi? Moi ça va super, est-ce que ça va l'équipe? Ouais. Est-ce que ça va l'équipe? Ouais. Ok, moi ça va super. Faut arrêter avec ça, présente-nous le premier auditeur de ce soir s'il te plaît. Alors c'est Malik, il a 21 ans, il habite à Lyon, il avait une question à nous poser. Oui, bonsoir Malik. Ça va l'équipe? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va. Oula, là, mon pote. Hein. Allô, Malik? Oh non, on l'a perdu. Et ça a coupé d'un coup sec, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ça, c'est Thibaut de l'arrière, il est trop fatigué. Je vous jure que j'ai rien fait. Attends, on le rappelle, attends, ça m'inquiète. Oh, j'aime pas ça, hein. Moi non plus. On le rappelle. Eh, hey, j'ai téléchargé l'application, ça y est. Alors ah, j'ai découvert des potes qui sont en couple, mais. Attends, mais c'est gratuit ou pas? Bah là, ouais, c'est gratuit pour moi. Ah bon, bah c'est moi, bon, j'arrive pas à la trouver, je suis trop nul. Ah bon, bah attends, je vais mettre le lien sur la page Facebook Marion Enso, je peux? Fais oui. Ça, pendant ce temps, on a récupéré Malik de Lyon. Alors, Malik. Ouais, salut, ça va? Oui, oui, et toi? Ouais, donc moi j'avais une question, je voulais savoir si vous saviez comment on pèse un pet. Quoi? Attends, tu veux savoir si on sait comment on pèse un pet? Oui. Attends. Parce que ça se pèse. Comment on fait ou combien ça pèse? Non, combien ça pèse et comment on fait? Ah ben je savais pas du tout que ça se pratiquait ça déjà, donc explique-nous. Bon, en gros tu te pèses normalement en fait sur ta balance et en fait quand t'as envie de péter tu te mets dessus et en gros t'as la quantité qui s'enlève après. Mais je te crois pas. Bah essaye, tu verras, ça marche. Non mais je peux pas essayer parce que je suis pas une grosse dégueulasse, mais c'est vrai, tu l'as fait toi? Je l'ai fait et ça marche. Mais non mais n'importe quoi, un pèse. Oui, mais essaye. Mais ah bon? Mais non mais déjà je vais pas essayer Malik. Mais alors du coup combien pèse ton pèse? Alors, bah, essaye d'avoir une chiffre pour voir celui qui trouve. 10 grammes? Bon, non. C'est beaucoup, non. Ça, c'est pas un P, ça. 0,2. Non, ça, c'est un P de Lilliputien, ça. Ah bon? Bah, c'est plus alors? Bah, c'est plus, oui. Ah oui, bon. 500 grammes? Moi. 200. Plus. Bon, bah, dis-nous. Oui, bon, bah, dis-nous maintenant. C'est 300 grammes, un P de. Non, mais mec, c'est pas possible, Malik. Ah, tu sais quoi? Bah écoute, moi je le crois, je vais pas tester, mais je te crois. Si vous voulez faire l'expérience chez vous à la maison, il vous suffit d'avoir une balance. Donc on démarre l'émission avec les. Oui, le point d'épée, hein. Tout bah, en détente. Et ce qu'on fait, c'est que faites-le chez vous, puis dites-nous avec le hashtag le Night Show si vous êtes à plus ou moins proche de Malik, hein, voilà. Ça nous intéresse. Et bah écoute, Malik, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, franchement, bonne information. On t'embrasse, mon Malik. On l'a reperdu ? Ouais, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Il est parti poser son père. Ouais. Bizarre, c'est exactement ça. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, on aura Melric. Melric a besoin de nous ce soir. Un rapport à son prénom, peut-être. Non. Et c'est vrai que ça nous est tous arrivé, et ça peut nous arriver en tout cas. Comment quitter quelqu'un en douceur ? Ah oui. C'est vrai que c'est pas facile, ça. Comment éviter de faire le plus de moins de peine à quelqu'un, en fait ? Ah. Dur, dur. 01 42 48 5000. Appelez-nous maintenant, on fait de la radio ensemble, et pour le son que vous préférez en ce moment, bah, ça tombe bien, nous aussi. Sound of Legend sur Fun Radio. vous êtes sur Fun Radio. C'est Marion et Anne sur le Night Show. On va avoir Melric dans un instant qui a un souci là pour larguer sa copine en douceur. Mais avant ça, j'ai une news pour vous, les amis. C'est un truc qui m'a fait marrer. Ça s'est passé en Caroline du Nord et c'est une prof de maths hyper maline. En gros, elle avait du mal à garder ses élèves concentrés. Du coup, elle a eu une idée et elle a fait installer des pédaliers sous leur bureau. C'est-à-dire que du coup, les gamins, pendant qu'ils sont en cours, ils pédalent, ils sont obligés de pédaler. Et a priori, ça joue vachement sur la concentration. Mais ils doivent avoir l'air hyper con. Mais moi, je trouve ça cool. Est-ce que vous auriez kiffé, vous, une technique du genre à l'époque du bahut? Franchement. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aurais grave kiffé. Ouais, mais non. Mais c'est pas possible, toi. Amir, toi, c'est mort. Tu ferais dérailler la chaîne avec tes gros sourcils. Non. Impossible, bichon. C'est quand même vachement gratuit. Ah ouais. J'ai une vision des sourcils si longs. C'est pas possible, mec. Je suis désolée, mais... Est-ce que vous pensez que quand je vais vieillir, mes sourcils vont être très très longs? Vous savez, comme les vieux, ça tombe dans les yeux et tout. Ah oui, mais moi, j'en ai vu. J'ai vu des mecs qui avaient des sourcils qui faisaient comme des parapluies de yeux. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. Et ceux qui ont combo sourcils-nez, les et poils oreilles, dans le nez. Et oreilles. Aïe. Mec, dur. Qu'est-ce que tu vas mal vieillir, mon con? Mais moi, à 80 piges, je vous le dis, je sortirai avec une meuf de 25 ans. D'accord, Amir. Ça marche, on en reparlera. Melric de Lille est avec nous. Alors, Melric, toi, t'as envie de quitter quelqu'un en douceur, c'est ça? Oui, c'est ça. Raconte-nous, pourquoi? Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait un mois, mais je me sens avec elle, ça, je sens que ça, c'est plus possible, quoi. D'accord, tu n'as plus de sentiments? C'est ça, j'ai eu, entre guillemets, un choc émotionnel, donc, Oula. Eh bien, écoute, Mélérie, tu vas nous raconter ce choc émotionnel, le prénom de cette personne, ainsi que les tumultes, un petit peu, de ce mois de relation. Tu restes avec nous, Mélérie, d'accord? On en parle avec toi et puis on va t'aider à trouver des solutions. 01 42 48 5000, appelez-nous vous aussi si vous avez, des techniques pour faire le moins de mal à la personne que vous avez envie de quitter. Oui, c'est bien ça. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un cap dans la vie. Allez, bougez pas, on vient tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Felix J. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Non, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, t'as hérité? Non, 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295€ par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Le Night Show du dimanche au jeudi, 22h minuit sur Fun Radio. Melric nous a appelé au 01 42 48 5000. Il a 13 ans, il est avec sa copine depuis un mois. Sauf que là, il a envie de se séparer. Il est pas bien et du coup, il veut des techniques histoire que ça passe un peu en douceur, quoi. Mais tu nous l'as rajeuni, le Melric, il a 17 ans. Ah bon? Bah oui, doudou. Melric, t'as 17 ans? Bah oui, j'ai 17 ans. Ah bon, j'ai cru que, tu vois, t'avais une voix de 13 piges. Voilà. Oui, je sais, c'est marrant parce que, non, à l'inverse, c'est un compliment. Ouais, là, ça le fait pas. Non, il a une grosse voix de bonhomme, quoi. Bon, alors Melric, tu nous disais que t'as vécu un choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que j'ai perdu mon chat et j'ai la meilleure semaine, une semaine pour me remettre. Et en fait, bah, pendant la semaine que je me suis remis, bah, j'ai bien pensé, moi, la chambre qui tombe, bah, c'est pas possible. Attends, mais tu veux dire que le fait d'avoir perdu ton chat, ça a un peu fait fuir tes sentiments envers ta copine? C'est ça. Mais c'est de la magie noire, ça m'est c'est bizarre. Hein. Non, mais bah, ça, je l'aimais beaucoup, donc bah, en fait, entre guillemets, je me suis mis avec, bah, je sais pas trop comment dire, mais en fait, bah, j'avais perdu mes sentiments pour elle en même temps. Ah, donc en fait, tu étais à la base amoureux de ton chat. Non, mais je vois non, ce qu'il veut non, dire. Quand même pas. Je comprends, mais en gros, tu t'es rendu compte avec bah, ce petit choc émotionnel que voilà, en fait, t'étais pas si bien que ça avec elle et que t'avais besoin de quelqu'un d'autre. Tu vois, peut-être qu'elle était pas là pour le réconforter, tout ça, quoi. Ouais. Bah, si, elle était là pour me réconforter, mais enfin, moi, j'avais pas l'impression qu'elle me réconfortait, quoi. Bon, alors Bichon, on va essayer de trouver une solution. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait seulement un mois que t'es avec elle, donc normalement, même si elle est attachée, elle est pas non plus folle, accro, tu vois. Non, mais à 17 ans, non. C'est vrai que c'est hyper important. Ouais. 17 ans, tu dis, c'est combien de temps que t'es avec ta meuf? Un mois, c'est la perf, quoi, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que j'entame quand même une relation à distance, quand même. Ah, en plus? Oui, bah oui. Mais est-ce que tu serais pas en train de nous les cumuler, là? Ouais, bah, Frédéric. Ah, en plus, elle est loin. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire que tu as la solution toute trouvée. Tu lui dis, je t'aime beaucoup, mais la distance, pour moi, c'est trop compliqué à gérer. On est trop jeunes. Et voilà, je préfère qu'on se sépare. Franchement. Ouais. La distance, c'est vraiment le truc qui lui fera le moins de peine possible, tu vois. Parce que si tu lui dis « j'ai plus de sentiments », ça c'est dur à entendre. Au bout d'un mois, si tu lui dis « je suis attirée par quelqu'un d'autre », c'est dur. Enfin, il n'y a pas de bonne solution, alors que la distance, bon bah, elle est obligée d'accepter. C'est pas faux, même si moi je suis, j'ai toujours été pour quitter quelqu'un de... en face à face. C'est-à-dire que moi, je suis pas pour les SMS, je suis pas pour les lettres. Il faut porter sa virilité et faut aller voir sa copine pour lui dire « écoute, c'est terminé ». Après, effectivement, toi, t'habites à Lille, mais elle habite où? À Martigues, c'est une ville à côté de Marseille. Bah enfin, c'est quand même pas possible. Alors oui, mais alors là, dans ces cas-là, une jolie lettre bien écrite, franchement, ça passe bien. Ouais, mais je connais pas son adresse. Non, à ce moment-là, Martigues-Lille, il faut l'appeler. Ouais, il faut l'appeler, il faut lui dire au téléphone. Un petit texto, ça passe, non? Un Skype, un spectacle. Ouais, non, le SMS, ça fait lâche, hein. Je peux pas te conseiller ça, mais l'appel en lui disant, écoute, franchement, il y a trop de distance, c'est trop de budget pour nous, on est trop jeunes, je t'aime beaucoup, mais c'est pas possible. Ouais. Mais oui, en plus, c'est la j'ai trouvé solution. Une fille, donc... Ah bah voilà, et il cumule vraiment, hein, Médric. tu t'es trouvé une autre meuf? Bah moi je l'aime, après je sais qu'elle m'aime pas, enfin elle a pas trop de sentiments pour moi, mais je sais que bah moi en tout cas moi je l'aime. Bah de toute façon Médric, déjà avant de te relancer dans une autre relation, n'aie pas d'autre animal de compagnie. Oui, parce que ça risquerait encore de te perturber. Ouais. On va demander aux garçons de l'équipe, les garçons, est-ce que vous avez une technique pour larguer quelqu'un en douceur? Amir par exemple. Bah, moi. Comment t'as fait? Les fois où t'as dû larguer quelqu'un, c'était quoi pour toi? Est-ce que t'y allais en face? Est-ce que tu utilisais le téléphone, Facebook? Qu'est-ce que tu faisais? Généralement, ce que je fais, c'est que par SMS, je deviens un petit peu froid. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est horrible. Je deviens un petit peu distant. Ensuite, je la vois quand même, hein, la meuf. Ouais. Je la vois, mais je deviens moins à fond, tu vois, moins amoureux. Il prépare le terrain. Je prépare à fond le terrain. Et puis un jour, par SMS, comme ça, de beau matin, je lui dis, écoute, j'ai besoin de réfléchir, de me poser. Alors non, moi je suis pas d'accord. Autant toute la préparation et tout, Médric, ça c'est une très bonne idée. Il faut comprendre qu'il y a une forme de distance. Mais après, par SMS, non, on dit les choses en vrai. Ouais, mais moi le problème, c'est que si la meuf, elle pleure, eh ben je suis capable de lui dire, non, je rigole, vas-y, on continue. Moi je suis comme Amir. Non. Ouais, mais... En fait, en face, non. Tu fais de la peine et tu vois bah, la personne en détresse. Du coup, parfois, tu peux avoir des élans de faiblesse et dire non, bah finalement, d'accord. En fait, c'est pas ça, Médric. Je dis que par SMS et par lettre, c'est pas bon parce que je trouve que c'est extrêmement égoïste. Ouais. Quand la personne est en face de toi, te met un point final à la relation, là, tu peux passer à autre chose. Par SMS ou par lettre, tu peux pas passer à autre chose. Et c'est hyper égoïste. Oui, Thibaut. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Il faut absolument lui dire en face et comme ça, tu lui expliques vraiment le problème. Et tu seras fier de toi et tout se passera bien, quoi. Toi, c'est ce que tu fais en général? Alors en général, je me fais larguer, moi. Donc, non. Bon, tu sais quoi, on a du monde pour toi au standard et dans un instant, j'aurai un petit jeu pour vous, l'équipe. Oh, j'adore jouer, Marion, ça tombe bien. Elle est formidable. Perrine de Strasbourg est avec nous. Bonsoir, Perrine. Salut les filles, salut tout le monde. Oh, salut, Perrine. Ça va, Perrine? Ça va, merci et vous? Ouais, très bien. Ouais. Est-ce que toi, tu as une technique comme ça en douceur pour larguer quelqu'un? Bah écoute, une technique, pas forcément. Par contre, si je peux lui conseiller quelque chose, c'est de vraiment pas attendre, parce que s'il attend, plus il attend, plus elle va s'accrocher et plus il va avoir du mal à s'en séparer. C'est vrai. Ça va être elle va vraiment s'attacher, même si lui a plus de sentiments. Elle en face, elle peut devenir vite accro et ça va être l'horreur pour lui, quoi. On est d'accord. Et alors toi, tu es plus team je le fais en face ou team le petit SMS qui va bien? Moi, je le ferai en face. Ah, okay, voilà, Madame Courage, excuse-moi. Perrine, elle est team Anso. C'est bien. Non, mais après, je sais que vous avez raison. C'est juste que, y a certaines personnes qui ont moins de courage que d'autres. Moi, je fais partie. Je sais que c'est un gros défaut, hein, mais je le dis très sincèrement, je suis lâche. C'est vrai que je suis pas lâche dans le boulot. Franchement, j'ose dire les choses, je suis pas lâche avec mes amis. Mais en amour, ah, ça vient pas quoi. Mais en plus, je peux comprendre, c'est hyper difficile à faire. Évidemment qu'on comprend. Ouais, je mais te jure. On te dit juste, Mélric, que c'est mieux. En tout cas, Perrine, merci de nous avoir appelé, ma chérie. Eh ben de rien. On t'embrasse, bisous. Gros bisous. Enzo du Standard, est-ce que toi t'as une technique, une phrase qui passe bien? Comment tu fais en général? Moi, la phrase qui se passe bien, c'est ensemble on est bien, mais séparés on est mieux. Ça, c'est une très belle phrase. C'est vrai que c'est pas mal. D'ailleurs, c'est ce que Brad et Angelina, enfin ce qu'a dit Brad à Angelina. Ah, tu crois? Oui, je pense. Je le vois bien dire ça. Alors, together we are good, but alone we are better. Better, voilà. Wow. Le gars, mais c'est un petit bout de femme qui nous parle couramment l'anglais, dis donc. Je sais. Bravo. Bon, on a encore du monde pour toi au standard, mais avant, je voulais vous faire un petit quiz. Bonne ou mauvaise technique de largage, vous allez me dire. Ah, ok. Vas-y. Bon, par SMS, tout le monde a dit non. J'enlève. Ouais, non. Ouais. Ok. Le ghosting, on en avait parlé dans cette émission, c'est le fait de disparaître du jour au lendemain sans donner d'explication. Non, c'est une mauvaise idée. Bah, moi, de toute façon, j'ai toujours tout trouvé nul, mais. On sait pas. Peut-être que celle-ci, tu vas l'aimer en faisant une dernière fois l'amour. Ouais. Ah, oui. Ça, non. Attends, quand c'est fini, t'as plus envie de faire l'amour avec la personne. Ah, si. Bah, si. Moi, je l'ai fait avec mon ex avec qui je suis restée 7 ans. Je l'ai quitté et on a fait l'amour. Et après, je suis partie. Donc, tu t'es dit, viens, on le fait une dernière fois comme ça pour la route et puis après, on se quitte. Ouais, mais c'était horrible. On pleurait tous les deux. C'était terrible. Je trouve ça glauque. Autour d'un dernier dîner au resto. Non. Ah, qui va payer surtout? Ouais, bah c'est oui. Ça, c'est chaud. Avec un cadeau, genre, je te quitte, mais je t'offre quand même un chien, tu vois. Je suis gentil. Oh non, c'est horrible. Non, c'est horrible. Faut jamais faire ça. En expliquant qu'on part avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est bien? Parce qu'au moins, la personne, elle se fait plus d'espoir, tu vois. Disons que ça fait un choc, effectivement. Donc voilà. C'est pas bien parce que la personne, elle a pensé que ça fait un moment que ça fait la doublette. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. En disant je t'aime, mais plus en copain maintenant. Oh, c'est horrible. Ouais, il est dur celui-là. Bah, il est dur, mais bon, c'est pareil, ça fait un choc et après, tu peux plus passer à autre chose. Donc, En laissant un post-it ou un petit mot dans l'appartement. Bah oui. Non, c'est horrible. C'est horrible. Par Facebook ou par Snap? C'est le Snap qui dure 10 secondes. Truc horrible. Je te quitte. Horrible. En disant qu'on a la phobie de l'engagement. Type Yannick du Standard qui a ce genre de phobie, est-ce que ça marche? La phobie de l'engagement, ça marche bien. La phobie de l'engagement, ça marche quand ça fait 3 mois que t'es avec, mais si ça fait 8 ans, ça marche plus. Yannick, tu l'as déjà fait ça, à vous? Évidemment. Et alors, ça a marché ou pas? Ça a beaucoup marché. En gros, elle se disait, bon, bah je comprends, elle tombait dans le panneau quoi. C'est ça, tout à fait. D'accord, merci Yannick. En avouant sa faute, genre j'ai couché avec ta sœur, horrible. Oh, non, génial. Non, terrible. J'ai couché avec quelqu'un d'autre. Non. Ouais, mais là, tu défonces une famille, c'est pas cool. Et alors, celui-là, en disant, je crois que je suis devenue homo. Ah, et ça peut marcher. Non. Ouais, parce que là, la personne, elle a plus rien à regretter. Bah ouais, c'est pareil, tu crois que t'as dégoûté l'autre du sexe, enfin, tu sais ce que je veux dire? Non, mais bon, au moins, voilà, t'es passé à autre chose. Et parfois, bah, faut se taper un mec entre temps. Alors, celui-là, je l'ai déjà fait, moi, en demandant à ta meilleure pote de lui annoncer à ta place. Ah non, mais ça faut pas le faire. Ouais, j'ai déjà fait ça. Mais Marion, t'as. Mais... Bah écoute, j'avais du mal, donc. Alors. J'ai fait vraiment le combo, moi c'était pire. Je parlais avec le gars sur Facebook, il y avait mon meilleur pote à côté de moi, et là je lui ai dit faut le faire maintenant. Donc j'ai mis mon meilleur pote devant l'ordi, je lui ai dit fais-le. Donc non seulement il s'est fait larguer par Facebook, mais en plus par mon meilleur pote. Je sais, c'est horrible. Je m'en veux beaucoup et je m'excuse auprès de ce garçon. Tu sais quoi Marion, mais tu débectes. Il s'appelle Mathieu, c'est un musicien, et franchement en plus il était sympa et tout, il jouait de la guitare, mais voilà. Ça se trouve, c'est devenu une grosse rockstar. Non, genre non, c'est non. Mathieu M, Mathieu chez Ouais. En postant un message pendant un clip sur D17. Génial. J'adore. Magnifique. C'est hyper drôle. Et la dernière, vous allez me dire oui ou non, à la radio. Ah oui, fort. Bah oui, à la radio, c'est beaucoup plus fort, c'est impactant quoi. Arrête, c'est. Non, mais c'est horrible, mais comme on aime bien. Ouais. Mais Elric, si tu veux le faire à la radio, nous on est partant quand même. Hein. Non. C'est méchant. Ouais, c'est méchant. Et on a encore Léo pour toi d'Aix-en-Provence, Elric. Bah Aix-en-Provence, il est pas très loin de ta meuf, peut-être que Léo peut aller lui dire. Bonsoir Léo. Salut. En fait, moi, personnellement, j'ai perdu ma tortue. Non, je déconne. Bonne vanne. En fait, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est un peu dégueulasse. J'ai, comme ça allait pas trop avec ma meuf, du coup, en fait, j'ai demandé à ce que ce soit ma meilleure amie qui lui dit. Ah, bah, tu vois, t'as fait comme moi. C'est pas bien. Non. C'est pas bien, mais bon, enfin. C'est vrai que j'avais peur de la réaction, etc. Donc. Bah oui, t'es team lâche. Je te comprends, moi, mais c'est coup, pas bien. Ouais, du coup, c'est ça, Mélric. Parce que si tu fais ça par ton meilleur pote, bah elle va pas y croire vraiment, en fait. Il faut que ça vienne vraiment de toi. Bah, moi, il est sympa au début, mais. Non, puis c'est une question de respect. Je veux dire, non seulement tu te fais larguer, c'est difficile, mais en plus, c'est le meilleur pote qui vient à la place de l'autre, c'est dur. Franchement, moi, je regrette de l'avoir fait. Donc, Mélric, je te conseille pas du tout cette technique. Hein. Mais bon, Léo, tu l'as fait comme Marion, écoute, c'est pas grave, la vie est devant toi maintenant, tu te feras pardonner. Voilà, je suis déjà pardonné. Maintenant, franchement, on est potes et tout. Maintenant, donc. Bon. Eh ben voilà. C'est bien. Merci de nous avoir appelés. Voilà. On t'embrasse, Léo, et vive les tortues. Bisous. Vive les tortues. Bisous. Ciao, ciao. Mélric, tu sais ce qu'on va faire? On va demander à Pépère, parce que lui, Pépère, il a toujours des solutions. Est-ce que tu as une bonne technique de largage, Pépère? Oui, bah Pépère, lui, il a une technique tout en douceur pour quitter les mémés. Hein. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu leur dis? Ah bah Pépère, il fait un truc de ouf. Il fait Pépère, il te quitte. Peut-être qu'il trouvera une autre femme. Oh non. Si t'arrives, Pépère. Bah, je sais pas, Pépère, en ce moment, il regarde The Voice Kid. D'accord, mais c'est quoi le rapport? Mais Pépère, normalement, t'es censé dire des trucs trash. Bah oui, mais là, Pépère, il est pas trop trash. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que tu sens ce moment gênant dans le studio, Pépère? Ouais. Non, c'est pas du tout gênant. Et alors, pourquoi? Bah, je suis pas trop trash aujourd'hui parce que mes mères m'écoutent, là. Hein. Ah, d'accord, ah, voilà. C'est pour ça. Bah, d'ailleurs, je voulais lui dire que c'était une grosse pute, voilà. Oh non! Mélric, on t'embrasse, Bichon, et tu nous tiens au courant surtout, d'accord? Ouais, d'accord. Allez, bisous à toi, reste bisous. Avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est l'incroyable talent qui va débarquer, et puis pour le son tout de suite, DJ Snake et Justin Bieber, numéro 1 dans le monde ce titre. Hein. Ah oui, Let Me Love You sur Fun Radio. J'aime bien, moi. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Là, vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso. Et on est en train de parler de profs, d'écoles, de tout ça tout à l'heure. Et bien, sachez qu'au Danemark, il y a un nouveau cours qui a été mis en place dans les écoles. Oui. Que je trouve vachement bien, ce sont des cours d'empathie. Alors, si vous savez pas ce que c'est que l'empathie, et ben, c'est par exemple quand on vous annonce je me suis cassé une jambe, et ben, dans ce cas-là, on fait oh mon pauvre. Ça, c'est être empathique. Ah ouais. Voilà, par exemple. Ouais. Marion, je te dis un truc, tu vas essayer d'être empathique, d'accord? Bon, bah voilà, Marion, je viens de faire euthanasier Wacha. Oh bah le méritait la connasse. Voilà, merci pour ça. Fun. Fun Radio. Un incroyable talent. Pardon, je l'aime d'amour Wacha en plus. Elle me rend allergique, mais franchement c'est un gentil chat. Je te ouais, le dis. Genre, c'est ça. Je te jure, franchement, elle est mignonne et je vois ses petites photos là sur son compte Instagram. J'ai envie de lui faire des beurs, des bisous. Wacha officiel, bien sûr, sur Instagram. Elle le place. Bon, le fun, un incroyable talent, c'est quasiment tous les soirs dans le Night Show. Si vous avez du talent, c'est le moment de le montrer à la France entière et surtout à nous, à l'équipe du Night Show, puisque si vous êtes bon, vous venez tout frais payer dans les studios de Fun. L'hôtel, le transport, le champ, la totale. On vous rince, les gars. Donc allez-y, profitez-en, inscrivez-vous. Marion et Anso, @funradio.fr. On vous gérera aussi, bien sûr, les prostituées. Adrien est notre talent de ce soir. Il habite à Vitry. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Oh yeah. Alors Adrien, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va plutôt bien. Ok, t'as quel âge toi? J'ai 22 ans. Mm-hmm. Et tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi dans la vie? Je fais comme les taupes, j'amuse la galerie. Ah, oh, tu es comique donc hein? D'accord. Suis, ouais. Et non, alors... je suis pas comique, non, je suis cuisinier. T'es cuisinier? Voilà. Oh, d'accord. Génial, c'est quoi ta spécialité, Adrien? Bon, j'ai pas spécialement de spécialité, mais j'aime bien toucher au dessert. Désolé pour toi, Anso, mais après, je peux m'arranger, je peux faire des desserts sans sucre. Oui, parce que je vous rappelle que je suis diabétique. Alors, est-ce c'est que ça. Ton talent a un rapport avec la cuisine ou rien à voir? On peut dire ça comme ça? Dis-nous, c'est quoi? Bah, j'imite certains cris d'animaux. Ah oui, après, donc, les animaux, bah, donc... ça peut être en rapport avec la cuisine, hein, si ouais. On l'a dans l'assiette, voilà. Ouais, enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, là, si vous me permettrez de rien. Alors, ça, c'est un talent original. Tu es imitateur de cris d'animaux, pourquoi pas? C'est ça. Est-ce que tu veux nous les faire et on devine? Ça devrait être facile, je pense. Bah oui, je pense que ça devrait être assez facile. Allez, blind test animalier, après on te fera faire un petit défi, d'accord? On t'écoute. C'est le cochon, ça, non? Ah, bah dis donc, il a mal quand il souffre, non? Ah, c'est... bah c'est... oui, c'est ça, hein? Eh, franchement, le c'est bien fait. Il s'est égorgé. Ouais, bon, bah, qui se fait égorger, t'étais pas obligé, ça, mais en tout cas, tu tiens très bien le cochon. En fait, excusez-moi, peut, hein. Est-ce qu'Adrien serait pas un peu sadique? Ouais. Non, du tout. Ok, on valide le cochon, deuxième animal. Alors. J'adore, le singe! Ouais, pas mal. Bien vu. Par contre, tu dois avoir l'air bien con quand tu le fais, Adrien, non? Ouais, grave. Bah... En plus que vous avez pas l'image, mais ouais, je l'imite vraiment, quoi. Je fais les gestes et tout, donc ouais, je pense que j'ai l'air con. Franchement, tu le tiens, est-ce que t'en as un troisième? Ouais. C'est marrant parce que c'est un grognement de gros chien et un aboiement de ouais. Tout petit chien. Franchement, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. J'aime bien. Franchement, ouais. Je valide. T'en as un dernier ou on s'arrête là? Après ça, je trouve, je les maîtrise pas trop, j'en ai encore deux petits, mais je les maîtrise pas terrible, je trouve, pour moi. Eh bah, tu sais quoi? Vas-y, tente-en un dernier. Alors. Bah si, évidemment, c'est la girafe, tout le monde. Non, mais c'est le coq. Non, si tu le tiens, le coq, franchement, ça doit te faire mal à la voix, tous ces cris-là. Bon, après, c'est de l'entraînement, faut bien boire un petit coup avant, et ça passe, hein. Alors, moi, Adrien, ce qu'on va faire, je pense que tout le monde est d'accord. Moi, ce que je préfère, c'est le cochon et le singe. Ouais. On part sur quoi, le singe? Ouais, le singe, c'est pas mal. Alors, j'ai une idée. Yannick, au standard, tu vas nous chercher des Tarzans dans l'annuaire ou des Monsieur Tarzans. Je sais qu'il y en a. Ok. Donc, tu y vas. Je crois que c'est un prénom Tarzan. Donc, on essaie d'en trouver. Attends. Toi, tu vas les appeler et tu vas faire le singe. Tu veux dire qu'en France, il y a des gens qui s'appellent Tarzan? Ah oui, oui. Mais quels parents appellent des gens de Tarzan? Je crois que c'est un peu serbe. Enfin, c'est connu comme prénom. D'accord, ok. On va voir ce que ça donne s'il décroche. Donc dès que Monsieur Tarzan décroche, tu parles en singe et on va voir si il est réceptif ou pas, d'accord? Ok. T'as ça, Yannick, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Ça devrait pas durer longtemps. Moi. Non. Tu fais bien. Allô, Tarzan? Ouais. Allô, oui. Allô, Monsieur Tarzan? Oui. Ah bah il viendra accrocher. Bah oui, évidemment, voilà, il décroche, il y a un singe au bout du fil. Bon, forcément, tu peux pas tenir bien longtemps. C'est ça, ça entame difficilement la conversation. Est-ce qu'on s'entend un petit dernier en rapide? Allez, s'il vous plaît. Allez, un deuxième Tarzan. Ouais, s'il vous plaît, les filles. Pas de soucis, Adrien. Oui, allô? Allô, monsieur Tarzan? Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous arrête que j'ai un petit souci avec un animal de compagnie et je peux vous le passer si vous voulez. J'ai pas bien compris en fait, pourquoi vous appelez? Je vais vous passer tout de suite mon animal de compagnie, bah, il va vous dire lui. Allô? Vous avez rien à foutre aujourd'hui, hein? C'est pas que j'ai rien à foutre, j'ai juste un petit souci avec mon animal et je comprends pas du tout ce qu'il a, j'ai l'impression qu'il est un peu enragé donc... Ouais, c'est marrant ça. Et je me suis dit, on a rien à faire en fait. Peut-être vous appelez les gens comme ça, vous avez rien à faire. Et non, mais je me suis dit que Tarzan, les singes, enfin vous connaissiez peut-être un peu le domaine, c'est pour ça. Putain, mais qu'est-ce que t'es con. Vraiment, Poblaska. Comment? Il est parti. Poblaska. Laska. Ouais, il était pas content, monsieur Tarzan. Franchement, je crois aussi. Tu t'en es bien sorti, Adrien, bravo, c'était très drôle. Il fallait un deuxième essai pour mieux partir, je pense. T'as été au top. Alors après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'était assez bluffant pour venir tout frais payer là dans les studios? Tu habites où déjà? J'espère. À Vitry-sur-Seine, à côté de chez Pépère. Ouais. Bon, eh ben écoute, on va vérifier si c'est jouable pour toi. Ouais. J'ai un doute, mais pourquoi pas? On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ok, t'es prêt? Bah, je suis prêt. Allez, c'est parti. Enzo. Oui. Thibaut. Oui. Et bien, Amir. J'ai dit oui. Anso. C'est un grand oui, Adrien. Oh là là. Marion. Donc vraiment, on va faire venir un gars qui imite le singe. Bah, vous êtes sûr de pas ça? Bon bah oui, alors c'est gagné. Ouais ouais. C'est kiffant. Bravo mon pote, franchement t'as tout donné. Adrien, par contre, Adrien, il faut que ça s'arrête. Hein, par contre, le jeu est terminé. Mais non, mais le singe est content aussi. Bichon, on t'embrasse, on se voit bientôt dans les studios là de Fun. Merci, salut, merci, à bientôt. Le Fun a un incroyable talent revient jeudi les amis. Demain ce sera le Wesh C'est qui vous permet de gagner 400 euros de fringues chez American College. Pas mal. Belle bête. Et dans un instant, on va accueillir Karl à l'antenne. Alors Karl, il a un souci, il a fait une soirée chez ses grands-parents ce week-end. Sauf qu'il a cramé la moquette et le canapé avec une chicha. Pas bien ça déjà de fumer, Karl. On n'est pas content, mais du coup, ça nous a lancé sur un sujet. On avait envie de parler des soirées qui ont mal tourné. Ah bah c'est con, moi je voulais parler de papier, ma vie. On peut aussi. Les pires loose de soirée, appelez-nous 01 42 48 5000. Ce sera juste après Matcon et Willy William sur Fun. Mais on les aime, c'est de là. You know I've been around the world. I'll be putting that thing to work like a 9 to 5. You got them sun-kissed eyes, girl, you hotter than July. If I act a fool, it's because of you. You take me back in time, feels like 1989. If I act a fool, it's because of you. How am I supposed to keep my cool? Que je garde le contrôle. Si tu viens me tester, tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb. Et tu le sais, tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. T'es sexy, ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mate le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car à minuit tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the meter. Repeat to myself, keep calm when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my cool? va se faire le pourquoi tu m'appelles dans le night show. Le pourquoi tu m'appelles, je vous rappelle la règle, elle est très simple. On appelle au hasard en France et on dit pourquoi tu m'appelles. Si vous arrivez à tenir plus longtemps que Anso ou moi, vous repartez avec des cadeaux de ouf. Cette semaine, c'est des coques antigravité de chez Case One France. Franchement, c'est hyper stylé. Ouais. Vous pouvez les mettre partout, ça tient. Du coup, appelez-nous 01 42 48 5000. Oui, Amir. On a fait une vidéo sur la page Facebook Marion Anso justement. On a testé. D'accord. Eh bien, les coques. Nous allons la faire retourner. Merci, le maître des réseaux sociaux. Là, on est avec Karl avec nous. Excuse-moi, t'as la bouche pleine. Anso, elle est en train de manger tranquille une tarte aux abricots, là. Je viens de la finir. Tarte aux nectarines. Ah, nectarine. Amir a mangé la même que moi. À vous, elle défonce. Magnifique. Oh, bonne. Vous me fatiguez. On est avec Karl de Boulogne-sur-Mer. Alors, Karl, il est arrivé une tanasse de soirée. Bonsoir, Karl. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Salut tout le monde. Comment ça va, Karl? Super, et vous? Bah, écoute, très bien, mais j'ai l'impression qu'on a fait une boulette chez Papy Mamie. Une petite boulette, ouais, effectivement, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai fait une soirée en fait dans la maison de mes grands-parents. Ouais. Ils n'étaient pas là, donc j'en ai un peu profité. Elle est super grande, elle est bien pour accueillir du monde. Et le problème, c'est qu'on est amateurs, moi et mes potes, de narguilé. On aime bien faire des chichas, etc. Ouais. Et du coup, ben, à un moment, le charbon s'est envolé, comme on dit, et il a brûlé le canapé et un tapis, quoi. Aïe. Bon, déjà, ouais. Je veux pas faire la vieille conne, mais la chicha, tout ça, mauvais pour la santé, hein, tu Attends, le sais. Hein. Et c'est l'équivalent de deux paquets de clopes, une chicha, bichon. Hein. Horrible. Ouais. Mais bon, ouais. C'est un plaisir, c'est sympa, c'est collectif, ça réunit, après voilà. Mais mollo, enfin, tu sais, le handball, c'est collectif aussi. Il n'y a pas de problème. Mollo sur la chicha, enfin, tu nous as pas appelé pour ça, tu nous as pas appelé pour te faire engueuler. Juste, donc, t'as cramé la moquette et le canapé. Ouais. Ils ont réagi comment, papy, mamie? Bah, ils l'ont appris, ils m'ont appelé ce matin là et ils sont pas très très contents. Oh les pauvres. Donc c'est normal en même temps, hein, je peux les comprendre, mais je suis pas fier et du coup bah je sais pas trop comment me sortir de tout ça quoi. Bah écoute, c'est pas compliqué à mon avis, il faut juste leur racheter un canapé et une moquette, mais on va essayer de trouver des solutions et surtout on va parler avec vous des pires loses de soirée. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 si vous avez une soirée comme ça qui a mal fini, s'est passé un truc de ouf. On veut vraiment des grosses histoires. Oui, je t'ai entendu Amir, t'en as. Mais des grosses histoires, hein. Attention, les gens vont pas être déçus, on compte sur toi. J'en ai. Bon, et ben l'histoire d'Amir et toutes les vôtres là dans un instant sur Fun. On bouge pas, on reste là, allez. Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Il y a cette chanteuse américaine qui vient de devenir la première à passer les 100 millions d'abonnés sur Instagram et je te passe en plus un extrait de la chanteuse. Whitney Spritz. Vous connaissez les Spritz, les cocktails italiens? Bien sûr. Mais c'est Whitney Spritz, un peu bourré, mais super sympa. C'était Selena Gomez. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Non, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok. T'as hérité? Non, 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295€ par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Allez, Fun Radio présente Bruno dans ton club. Bruno. À la discothèque Le Point de Vue à Laz dans le Finistère. Samedi soir, venez faire la teuf sur le meilleur du son dance floor. Salut, c'est Bruno. Je vous donne rendez-vous ce samedi pour une soirée de malade avec Elliot. Et regarde ce que j'ai appris à faire avec les platines, Bruno. Arrête ça tout de suite, Elliot. Oh, je trouvais ça pas mal. Fun. Bruno, dans ton club. Au Point de Vue à Laz. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Et je compte sur vous, hein. À samedi. Plus d'infos sur funradio.fr. Bah. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun. Sur funradio.fr. Fun Radio et Soirée Ferio présente la nouvelle édition de l'Halloween Festival. It's Halloween. En direct de l'île de loisirs de Jablinanet. Un nouveau site exceptionnel situé aux portes de Paris. Lundi 31 octobre, venez vivre le plus grand Halloween de France avec les DJ Fun Radio Florian Picasso et Maëva Carter. L'Halloween Festival 2016 de Soirée Ferio. Avec Florian Picasso et Maëva Carter. En direct de l'île de loisirs de Jablinanet. Aux portes de Paris. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Info et réservation sur halloweenfestival.fr et funradio.fr. Fun Radio. Fun. Fun. Le son dance floor. Yeah. The Night Show. Avec Marion et Anne-Sou. Le Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Et on parle ce soir des pires loses de soirée, les soirées qui ont mal tourné avec Karl. Karl, il a fait une fête chez ses grands-parents ce week-end. Sauf qu'il est amateur de chicha, on l'a dit, c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé. Bref, une fois que ça s'est dit, la chicha est tombée sur le canapé et sur la moquette. Du coup, bah forcément, avec le charbon, ça a fait des trous. Karl, on a réfléchi avec l'équipe. Ouais. Honnêtement, je comprends que, voilà, à ton âge, tout ça, tu puisses pas racheter ni un canapé, ni toute une moquette. En revanche, c'est des papis, mamie, ça pardonne vite. Mais un beau bouquet de fleurs, une petite bouteille, un truc qui leur fera plaisir, franchement, c'est la moindre des choses. D'accord. Mais bon. Karl, t'avais le droit de faire cette teuf-là ou pas? Ah oui, j'aurais demandé tout, mais bon, je pense qu'ils sont pas au courant de la chicha, etc. Que je fume. D'accord. Non, parce qu'en fait, il y a un truc qui s'avère vrai, hein. En tout cas, ce qui m'est arrivé à moi dans ma vie, c'est qu'à chaque fois que j'avais pas le droit de faire quelque chose, il se passait toujours un truc grave. Oui, c'est vrai. Pas grave, mais tu casses un truc, fais un truc qu'il faut pas, quoi. C'est ce qu'on appelle le karma. Voilà, c'est ça. El karmos, comme disent les Mexicains. Du coup, Bichon, à mon avis, ils vont vite te pardonner, mais essaie d'être gentil avec eux. Déjà, tu t'excuses sincèrement. Et puis, tu leur offres un petit truc qui leur fera plaisir. Tu les connais mieux que nous, mais voilà, tu peux pas faire grand chose de plus, hein. Oui, tout ce qui est dentier, boîte de chocolat ou appareil auditif. Voilà. Ne leur offre pas une chicha, ok? Non. Je vois bien papy sur la chicha là. Tranquille. Bon Bichon, merci de nous avoir appelé. Là on va prendre plein d'auditeurs qui ont aussi eu des loose de soirée. Donc si jamais tu veux écouter, ça va te réconforter. Ouais. Je vais écouter attentivement, pas de problème. On t'embrasse mon Carlito. Bisous. Merci. Bisous. Il y a Camille à La Rochelle qui est avec nous. Alors Camille, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Salut Mario Anto, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors en fait ma mère elle est peintre et du coup elle a beaucoup de tubes de peinture dans sa chambre et quand j'ai fait une soirée pyjama pour mon anniversaire, je me suis endormie au moment et du coup mes copines elles étaient encore debout et elles en ont profité pour peindre les murs de la chambre de la mère. Oh non, c'est horrible de faire ça. Attends, mais c'est horrible, mais elles sont sans gêne. Et le lendemain c'est moi qui ai tout pris. Bah oui, il y a moyen que... Mais attends, mais pourquoi Bah c'est drôle, en soirée, il y a de la peinture, tu repeins un mur, quoi. Bah non, mais enfin, je vais chez toi, Marion, je vais pas commencer à repeindre les murs de chez toi, là, je suis chez tes parents, t'as pas intérêt. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu sais que parfois, des soirées, il y avait de l'alcool à cette soirée ou pas? Un petit peu. Eh bah tu vois, comme quoi, il faut pas boire, ça fait faire que des conneries. Et il faut pas fumer. Est-ce qu'elles ont fait des trucs un peu artistiques, genre dessine une teub, genre marrer les potes? Elles ont fait quoi, comme dessin? Bah oui, de ça. Ah ouais, non, c'est dur. Ta mère, elle a dû péter un plomb. Ah bah oui. Après, tu peux faire passer ça comme de l'art aussi, hein. C'est une expression comme une autre. Hein, ça passera jamais. Est-ce qu'elle t'a fait la gueule? Est-ce que t'as réussi à te faire pardonner? Comment ça s'est fini cette histoire? Ma mère a fait très rapidement la gueule, donc elle a gueulé. Je me suis fait punir du coup. Eh bah tu l'as mérité, t'aurais dû surveiller les copines. Bah oui, mais c'est dur de lutter jusqu'à 5h. Bah oui, je comprends. Bah n'invite plus de gens à dormir chez toi, je pense, Camille. On t'embrasse, ma belle. Bisous tout le monde. Bisous. Amir. Bisous. Bisous. Alors justement, Amir, bon bah tu nous as fait le teasing du siècle avant la pub, donc on attend avec impatience ton histoire. Qu'est-ce que tu as fait en soirée? On t'écoute. Je ne veux plus un bruit. C'est l'histoire d'Amir. Il s'est passé plein de choses en soirée. J'ai fait vraiment les pires conneries du monde, je pense, en soirée. Mais un jour, j'ai fait un truc. Je peux pas te donner. Enfin, quoi que. On s'en fout, il s'appelle David et j'étais invité chez lui. Son père, en fait, était fan des aquariums, mais complètement fan des aquariums. Il avait un aquarium gigantesque dans son salon. Mm-hmm. Et puis, il y a une soirée qui a mal tourné. J'ai cassé la. Oh non, les poissons. Oh merde, non, franchement, Amir, je te déteste. J'ai cassé l'aquarium et ce qui m'a fait du mal, c'est pas l'aquarium, c'était les poissons. Ah, oh évidemment. Mais on a réussi à en sauver une belle partie. Mais c'est juste, il y avait un des poissons qui coûtait 2500 euros. Quoi? Que son père avait fait rapatrier d'Asie, je sais pas quel pays, et il est mort. Oh non, c'est merde. Horrible, mais assez terrible. Alors là, je suis vraiment pas contente parce que ça touche des êtres vivants et c'est pas bien ce que t'as fait. Non, mais mon but n'était pas de tuer les petites bêtes. Je comprends. Mais j'imagine bien que tu t'es pas dit, tiens, les gars, regardez, à l'aquarium, si on le pétait. Non, mais il a réagi comment, le daron? Bah, il a jamais su que c'était moi et peu de monde ont su que c'était moi. Ah ouais, mais bon, il a dû péter un peu câble en rentrant. France le sait. Tu sais qu'il y a des flics qui vont t'attendre en bas. J'avais joué avec vous savez, les guns là, airsoft. Ah ok, il fait la totale lui. Ouais. Les guns maintenant. Mais c'était des trucs habiles là, mais hyper puissants. Oh, et j'ai fait ça, je voulais viser mon pote. J'ai fait le con. J'ai l'impression que c'était un peu de la merde son aquarium. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il avait une vitre pourrie. Bah, non, c'est clair. Bon, c'est puissant ces petites conneries. Hein. Ouais, bah, franchement, vas-y. Bon. C'est pas bien, Amir. Non. On a Léo qui est avec nous. Léo, il a 15 ans. Bonsoir, Léo. Salut, ça va tout le monde? Oui, ça va et toi? Toi, ça a l'air. Hein. Ça va nickel, ça va nickel. Dis-nous, qu'est-ce que t'as fait en soirée, toi? Bah écoute, c'était il y a 8 mois environ. C'est pendant que mes parents étaient partis en Suisse. Mmh. Et moi, j'avais caché des doubles, des clés dans le jardin. Et du coup, le même week-end, j'invite des potes à dormir à la maison, tout ça. Ouais. On et commence à se poser chez moi et puis on décide de faire un jeu de tease. Ok. Et finalement, on boit un peu tout ça et il y en a un qui a eu l'idée de vouloir prendre la voiture de ma mère. Non, parce non. C'est une seule voiture. Oh, et du coup, mon pote, il fait quoi? Il fait, ouais, ma mère, elle m'a déjà appris à conduire, machin, tout ça. Venez, on monte, tout ça. Tu vois, moi, c'était chez moi au début, je me disais, attends, s'il arrive une couille, c'est sûrement que ça va tomber. Mais tu sais, sous l'effet de l'alcool, je me disais, bon, bah, vas-y, on va y aller. Et donc on part avec la voiture, on se balade dans ma ville. Donc, ouais, c'est petit, hein, c'est. Non, mais vous êtes. 3000 habitants. Léo, vous avez fait un tour de voiture, vous êtes rentré sain et sauf? Ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais la voiture moins déjà. La voiture moins. Mais... Ah, vous avez cartonné la voiture? Ouais, on a tous conduit en fait, et on est allé au stade. Au stade à côté de chez moi, on commence à faire des dérapages sur le parking. Je vais te dire un truc parce qu'il y en a une dans cette équipe qui est très premier degré sur la route, l'alcool au volant, le téléphone au volant, tout ça. Si on a le malheur de faire la moindre connerie, elle nous défonce. C'est Anso, elle rigole pas du tout avec ça. Alex, si tu savais comme ton histoire, elle me fait pas rire deux secondes en fait. Mais ah oui, mais il a fait une connerie, il l'assume. Tu vas quand même pas l'engueuler. Non mais si, je me permets quand même juste deux secondes parce que Léo, t'as 15 ans, donc t'as pas le permis, donc t'as pas le droit de conduire et tu tues quelqu'un sur la route. T'imagines ça? Si t'avais tué quelqu'un. Je suis conscient de ouf. Voilà, là t'as juste tué la bagnole, donc c'est pas très grave en soi. Non, mais c'est vrai que c'est catastrophique. Tu tues ta vie, tu tues la vie de d'autres gens. Enfin, ce serait vraiment dramatique. Il faut jamais faire ça. Par contre, le parking, je suis désolé, faut pas se voiler la face. Tous les parents le font avec leurs enfants. Avec les parents. Ouais. Oui, non, mais là ils l'ont fait dans le dos des parents entre gosses, tu vois. Je l'avais fait moi aussi. Des dérapages avec ton père. Non, mais parfois les parents viennent t'entraîner. Quand tu passes le permis sur un parking, c'est vrai que c'est pas légal, mais bon, tout le monde le fait pour le même si tu te fais pécho, ça passe. Oui, enfin ça la nuit. Non, puis surtout t'es avec tes parents, donc t'es pas bourré, donc t'as le droit. Quoi. Ça tu vois. C'est vrai que l'alcool est en trop là. Bichon, juste comment ont réagi papa maman? Bah écoute, au début ils l'ont pas appris. Ouais. Et puis quand ma mère a commencé à prendre la voiture, elle a vu le rétro exploser, elle a vu le carénage qui était pété. Une roue crevée. Ouais. Et du coup, moi j'étais chez mon père à ce moment-là, parce que mes parents sont séparés. Elle m'a envoyé un message et elle pétait un plomb, quoi. Et je suis pas retourné chez mes parents, chez ma mère pendant un mois. Et bah, c'était bien mérité, Léo. Ouais. Voilà, j'espère que tu recommenceras plus. Ouais, non, mais je pense qu'il y a assez de monde qui l'ont engueulé déjà, les filles. Ouais, et puis je pense que ça lui a servi de leçon. Bah non, mais on peut pas lui dire. J'ai même perdu, entre temps, j'ai quand même perdu ma Play 4, tu vois. Bon, j'y tenais un peu, ça fait 6 mois que je l'ai pas revu, quoi. Bon, bah Léo, j'ai l'impression que tu les cumules, hein, quand même. Il va falloir rentrer dans le grand chemin un petit peu, hein. Bichon, merci de nous avoir appelé. Y'a pas de soucis. Prends soin de toi, on t'embrasse. Bisous. On t'embrasse. Allez, bisous. Ciao, ciao. Vous êtes prêts pour le vrai faux du soir? Allez, go. Le vrai faux du night show. Bon, évidemment, c'est un spécial pire histoire de soirée. Vas-y. Est-ce qu'une femme qui se trouvait dans les toilettes d'une discothèque dans le Finistère a trouvé 3000 euros et en sortant, elle les a donnés au propriétaire de la boîte? Oui, à votre avis? Ouais, mais c'est fou de faire ça, tu les gardes, non? Eh ben non. Franchement, c'est bien de le faire, mais elle aurait dû le faire à la police parce que là, le propriétaire de la boîte, c'est sûr, il les a gardés. Ah bah oui, c'est vrai. Attends, c'était au propriétaire de la boîte? Oui. Ah bah alors, jamais je l'ai rendu, c'est... Non. Mais elle sait pas à qui c'était, sauf qu'elle a trouvé 3000 balles, elle les a données au gars de la boîte, quoi. Ah bah alors, mais c'est pas lui. Bah on sait pas à qui c'était. Mais ça va comment cette meuf? Elle, je sais pas, mais elle vient, elle habite dans le Finistère, si tu veux tout savoir. Ouais, on va la chercher. Un jeune homme de 20 ans a profité des fortes chaleurs de cet été pour contacter une agence d'événementiel et, écoutez bien, organiser une pool party dans son jardin. Sauf que victime d'une arnaque, il se serait retrouvé avec une centaine de poulets fermiers dans le jardin. Non, évidemment c'est faux, mais ce serait très drôle. Un homme aurait publié une annonce sur le Bon Coin afin de retrouver sa voiture perdue lors d'une soirée, à votre avis? Oui, c'est possible, non? Oui, possible, ouais. Il se souvenait plus où il l'avait garé, du coup il a été obligé de mettre une annonce sur le Bon Coin, le pauvre. C'est hyper drôle. Il l'a retrouvé, cela dit. Alors écoutez cela. Plusieurs potes auraient organisé un concours de grandeur de pénis lors d'une soirée. L'un d'eux, furieux d'en avoir une plus petite que les autres, lui aurait coupé la bite à la hache. Oui, c'est vrai, je l'ai vu ça. Oui, c'est vrai, c'est en Russie. Non, mais t'imagines? Le truc qui tourne mal, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que les mecs font un concours de taille. Là, il y en a un qui pète un plomb sous l'effet de l'alcool. Encore une fois, l'alcool est dangereux pour la santé. Bim, il se dit, je vais me venger. Il lui coupe la tube à la hache. Mais excusez-moi, je suis la seule à pas faire de soirée avec des haches sous la main. Ouais, c'est bizarre, mais c'est en Russie. C'est quand même ouf. On connaît pas leurs coutumes. Un jeune DJ a réussi la performance de vider une boîte de nuit en seulement 20 secondes après avoir diffusé la chanson Libéré, délivré en discothèque. Non, mais ça pourrait. Un jeune étudiant allemand de 25 ans aurait provoqué une inondation dans l'immeuble après avoir voulu organiser une soirée mousse dans son appart. Oui, c'est possible. Ouais. C'est vrai. Tout l'immeuble a dû être évacué. Horrible. Non, mais surtout, en plus, la mousse, bon, c'est ingérable. Hein. C'est hyper chaud à faire, en vrai. Et enfin, un jeune Parisien de 26 ans aurait réussi à provoquer un incendie dans un bar, écoutez bien, dans un bar à chicha, après avoir essayé de faire fumer ses énormes sourcils. Ah ouais. Samir, évidemment. Tu sais que j'y croyais au début. Je vous en ai. J'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il a fait pour foutre le feu à un bar à chicha? Mais en fait, c'est ça qui est le plus drôle, c'est qu'à chaque fois, Amir croit à tout ça, en fait. J'adore. Pépère, un petit souvenir de soirée qui aurait mal tourné, toi? Bah, Pépère, lui, une fois, il a fait un goûter d'anniversaire avec son petit frère. Hein, Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand le petit frère, il s'est penché pour souffler ses bougies, bah, Pépère, il a pas pu s'empêcher de lui mettre son zizi dans ses petites fesses. Non, oui. Pépère, t'as pas le droit, ça, pas les petits frères. Allez, bougez pas dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Si vous voulez vous inscrire, d'ailleurs, ça se passe par mail marion@funradio.fr. Et pour le son, c'est hyper bon, ça, hein, je me lasse pas de ce titre. Ouais. Jennifer Lopez, c'est Ain't No Mama sur Fun Radio. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. C'est Marion et Anso en direct jusqu'à minuit. Si vous ne nous connaissez pas, eh ben, permettez-moi, moi, Anso, de vous présenter Marion. Oula. Alors Marion, elle a une particularité très simple. Elle s'arrange toujours pour me faire faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Genre, je m'occupe de toute sa paperasse. Oui, bah, j'aime pas trop faire ça. T'es un peu ma deuxième maman, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai passé mon après-midi à lui envoyer des courriers, à lui faire des mails. Alors attendez, excusez-moi, est-ce qu'elle exagère pas du tout? La meuf a envoyé un courrier. Bon alors, voilà, si vous ne me connaissez pas, moi, Anso, j'exagère tout le temps les choses. Mais tellement. Pourquoi tu m'appelles? Il est à l'appareil, j'ai appelé personne. Non, mais je t'appelle pas, connard. Bah, je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Ah oui, le Pourquoi tu m'appelles, c'est tous les soirs. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y en a sur la chaîne YouTube. Il y a les meilleurs. Il y a notamment celui où je bois le verre d'eau. C'est-à-dire que je m'en mets partout. Mon handicap, c'était faire le Pourquoi tu m'appelles pendant que j'avais de l'eau dans la bouche. Voilà. Extrêmement gênant. Ça s'est fini en bataille d'eau, cette histoire. Parce que oui. On a la maturité d'une huître. On va pas se mentir. Ça se dit pas. Bah non. On joue avec Nelson de Tours ce soir. Bonsoir, Nelson. Bonsoir. Ça va, Nelson? Ouais, ça va, ça va. Bon, comment ça se passe la vie à Tours? Ah, ça se passe, ça se passe. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent Nelson parfois? Bah pourquoi? Ouais, non-stop, non-stop. Pourquoi pas? Nelson, d'accord. Ok, ouais. Nelson, t'es en quelle classe? Je suis en seconde au lycée. Ok, ça marche. Et c'est la première fois pour toi, le Pourquoi tu m'appelles? Ouais, c'est la première. Bon, tu veux jouer contre qui ce soir? contre Marion. Ok, alors Nelson, je vais donner un handicap à Marion. Et donne. Marion, tu vas faire un pourquoi tu m'appelles avec le nez pincé. Ah ok, j'aime bien. Ouais, c'est tout simple. D'accord. On laisse Marion commencer, Nelson. Ok, ok, ça marche. Allez, concert, petite chose, on appelle Marion. De toute façon, toi, t'as le don de me mettre en valeur, chaque fois. Hein. Sexy attitude, quoi. Bah, tu sais, depuis pourquoi tu m'appelles, où je ricane comme une bécasse. C'est vrai. Oui, allô. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour, pourquoi tu m'appelles? C'est vous qui m'appelez. Ah non, il y a mon téléphone qui vient juste de sonner, du coup j'ai décroché. Désolé. Ou alors peut-être parce que j'ai passé une annonce sur Le Bon Coin, j'ai rappelé un numéro que je connaissais pas, mais c'était ce matin ça. Ah oui, d'accord, non mais monsieur, vous rappelez des numéros, ça c'est très bien, sauf que là, moi quand même, je suis dérangée dans mon quotidien, et ça commence à être compliqué parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, pourquoi Non, c'est la première fois que je vous ai jamais appelé, madame. Je crois que vous faites une erreur. Là, monsieur, le téléphone vient de sonner juste à l'instant. Donc, la procédure habituelle, quand un téléphone sonne, on décroche, on dit « Allô, c'est exactement ce que j'ai fait. » Du coup, la question que je vous pose... Vous faites une erreur, madame. Hein. Franchement, je vous ai jamais appelé. Ah, désolé. Je fais une erreur. D'accord, je fais une erreur. C'est comme ça qu'on le prend. Je fais une erreur. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, non. Non, mais c'est bon, il est parti. D'accord. J'aime bien. Alors, la procédure habituelle, pas mal. Combien de temps elle a fait, Thibault, à l'arrière? 54 secondes. Ah, c'est nul. Si, c'est pas mal, 54 secondes. Non, hein. Pour moi, c'est nul. C'est tout ce qui peut se passer en 54 secondes. Hein. Nelson, on est parti? Ok, ok. T'as pas de handicap, toi, tu vas tranquille. Ok, ça marche. Allez, bonne chance. Petit bout de bonhomme, habitant à tout. J'aime bien faire ça. Je vais peut-être finir l'émission comme ça, moi. Attends, fais voir. Ah ouais, c'est sympa. Dites-nous avec hashtag le night show si vous aimez. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Excusez-moi, madame, pourquoi vous m'appelez? Moi, je vous ai pas appelé. Bah, mais... madame, si, j'ai reçu un appel, madame. Non, pas du tout. Et madame, je viens de décrocher, là. S'il vous plaît. Madame, je viens de décrocher, là, et j'ai reçu un appel. Non, ben, écoutez, c'est pas peut-être moi. Peut-être que c'est à cause du réseau téléphonique, ou je sais pas, vous êtes sur quelle ville? Ça ne vous regarde pas, de toute façon, hein. Et puis, je ne vous ai pas appelé. Ben, si, excusez-moi, madame. Vous venez de m'appeler. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce cinéma, là? Excusez-moi, c'est peut-être vous que j'ai matché sur Tinder? Écoutez, je n'ai appelé personne et je vous remercie. Madame, excusez-moi, je suis... Madame, vous risquez d'en recevoir d'autres des appels comme ça, hein, ou moi aussi. Parce que là, il y a un problème. Bon, ben... Mais vous êtes sûr que c'est pas vous que j'ai matché sur Tinder? Vous avez Tinder, non? Ça ne vous regarde pas. Bah si, vous êtes bien un peu une chaudasse, non? Allô? Ah non, elle est partie. Ah non, moi ça me fait trop mal au cœur, les petites vieilles. Moi aussi. Et d'ailleurs, Yannick au standard, tu nous la rappelles tout de suite parce que je sens qu'elle avait peur, elle était pas bien. Oh la pauvre. Donc, tu nous dis que c'était une blague et Nelson, on ne traite pas de chaudasse les femmes âgées comme ça. Tinder c'était drôle. Ouais, Tinder c'était hyper. Ça ne vous regarde pas. Ouais, c'est ça. Bon, tu vois là, combien de temps il a fait? 1 minute 25. Eh ben bravo! Bravo! Lourd, tu repars avec ta coque anti-gravité de chez Case Phone France. Franchement, elle est top. Tu vas voir, tu peux mettre ton iPhone partout. Tu le colles. Genre, tu cuisines. C'est con parce que j'ai pas d'iPhone. Eh ben, mais ça existe. Bah, tu la colleras, je sais pas. Non, mais ça marche avec d'autres smartphones. Ok, cool. Puis attends, Nelson, Noël approche, ça te fera un cadeau de fête déjà, tu vois. C'est clair. Hein? Ouais, au pire. Super cadeau. On t'embrasse, Nelson. Ok. Ok, salut. Bisous. Ne bougez pas puisque dans un instant nous allons recevoir Samir, 31 ans, sur Fun Radio. Alors Samir, il a un souci qui concerne, je pense, beaucoup de gens. Il pense être amoureux de deux personnes à la fois. Bah. C'est-à-dire qu'il a sa femme, tout va bien, mais il a aussi retrouvé un amour de jeunesse qui, elle, maintenant est célibataire. Et du coup, il se dit, est-ce que je prends le risque de retourner avec cette fille que j'ai aimée ou de rester avec ma femme? Oh là là, alerte au crush. Ouais, c'est hyper compliqué. Donc appelez-nous si vous avez vécu ça, 01 42 48 5000. Et alors celui qui a envie des histoires avec un tas de meufs, bah, c'est Martin Garrix. Et on l'écoute tout de suite, le cochon. J'ai une rumeur. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? In the name of love. place, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. De vous préparer la vidéo de la journée d'hier, puisque nous sommes allés à la soirée de lancement de FIFA 17. Ouais. On a joué tout ça, on a interviewé Tony Yoka, le champion olympique de boxe. Ouais. Et en parlant de FIFA, je vous rappelle qu'on a toujours un concours là sur notre Twitter. C'est très simple, vous pouvez gagner des jeux FIFA 17. Il suffit juste de retweeter le visuel qui est épinglé et de suivre le compte Allo Paradise, parce que c'est quand même grâce à eux, ils sont fort sympathiques. Ils nous aident pour toutes les opérations gaming, on les remercie. Donc allez-y, ça retweet. Et puis bah, on se fait le gagnant dimanche, Amir, c'est ça ? Ouais, on se fait gagnant dimanche. Et puis il y a plein de gens qui demandent aussi sur Twitter, mais c'est quoi Allo Paradise? Est-ce que j'ai le temps d'expliquer en très rapide? En rapide, vas-y. Bah en fait, c'est hyper simple. Alloparadise.fr, ça vous permet de transformer votre forfait téléphonique soit en jeu pour toutes les plateformes, Xbox, PC, etc. ou alors juste en crédit pour jouer en live. Voilà, donc c'est bien pratique pour tous les gamers. Voilà, allez-y, on retweet, on y va, et le FIFA 17, il part à la maison. C'est vrai que c'est cool, ça, genre il te reste du forfait, hop, bim, tu chopes un jeu, quoi. Bah ouais, parce que souvent, en plus, à 14-15 ans, tout ça, t'as pas trop de thunes. Ah, tu prends le forfait et alloparadise.fr, il te donne ça. Et moi, j'ai bien fait, dis donc. Ah, ouais. Non, mais c'est super. Ok, la vie, elle est cool. On est avec Samir de Bordeaux. Bonsoir, Samir. Bon. Allô, bonsoir à Marion et Anso et à toute l'équipe. Merci. Salut, Samir. Ça va? Ouais, ça va. J'ai l'impression de faire une infidélité. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Ouais, c'est. Je me sens. Bah voilà, vous avez évoqué le sujet. Oui. Qu'on appelle ça. Alors, c'est pas deux amours. Ouais. Voilà, ce que je ressens, je parle bien de ressenti, je parle de choses profondes, parce qu'avant de parler, alors, je parle pas, oui. On va resituer Samir pour ceux juste qui viennent de nous rejoindre là. Bien en gros, clairement, toi, tu as 31 ans. Oui. Tu as une femme dans ta vie, donc c'est ta femme, t'es marié, oui. Ok, tout oui. se passe bien. Ok. Plus que bien même. Mais il y a quelques années en arrière, tu avais déclaré ta flamme à une autre femme qui, elle, à l'époque, était prise. C'est ça. Sauf voilà, que... qui venait d'être prise et qui m'a dit mais pourquoi t'as pas été clair et mais pourquoi tu m'as pas dit et... Voilà. Sauf que maintenant cette femme est libre, elle est revenue vers Samir et du coup lui il est comme on dit le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il quitte sa femme? Est-ce qu'il tente l'aventure avec cette femme? Enfin il ne sait plus. Il aime un peu les deux. Oh là là, il va falloir qu'on l'aide, Samir. Hein. Complètement. Alors Samir, bouge pas, mon bichon. On va t'aider. 01 42 48 5000 et venez nous dire si vous aussi vous avez déjà eu deux amours. Si vous avez par exemple été avec quelqu'un officiellement et que vous avez eu une relation parallèle. Oui, voilà. On aime bien comme ça savoir des petits trucs sur votre vie de couple. Allez, bougez pas, on revient tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. Hi, it's Neil Sazen on Fun Radio. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux. Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Non, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non, 295 euros par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295 euros par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Fun Radio Le Son Dance Floor présente la sélection de la famille avec Richard Orlinski et Eva Simons. En exclut le nouveau Martin Garrix, Maître Gims, Ken Jones, le nouveau de Chainsmokers. 60 tubes sur 3 CD, ils sont tous dans la compile de la famille avec Fun Radio. Salut, c'est Jérém Star. Alors attention, je compte sur vous pour vous brancher sur Fun Radio pour le night show de Marion et Anso. Ça déchire! Merci Jérém. Vous êtes dans le night show, 23h17. Il faut qu'on vienne en aide à Samir, 31 ans. Samir nous a expliqué son histoire, c'est pas facile. Hein. Donc il a sa femme. Il a cette femme là à qui il avait fait une déclaration il y a quelques années qui est revenue vers lui puisque maintenant elle est célibataire. Du coup, mon Samir, moi ce que je comprends pas, c'est que si tout va bien avec ta femme, t'es marié, t'es le plus heureux du monde. Cette fille qui revient là maintenant, t'as rien partagé avec elle globalement, donc pourquoi tout perdre, tu vois, juste pour ça, pour une fille que finalement tu ne connais même pas tant que ça. Alors effectivement, c'est pas de l'ordre du fantasme ou de l'orgueil, d'accord. Moi, avant de parler, ça fait quelques années que ça commence à traîner, s'installer. Et c'est, je suis heureux, oui, mais vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui vit sans prétention. Je suis pas dans les apparences, dans, tu vois, même si tout va bien, je me rends compte qu'il y a des choses très profondes qui me manquent. D'accord. Et je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que cette nana, je la retrouve et je la rencontre avec ses parents, sa frangine, tout ça. Et il y a un truc qui s'est réveillé en moi en me disant, mais putain, ce truc-là, il y a un truc et vraiment, il y a un ensemble qui me manque et qui me manque encore aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la passion qui te manque? Qu'est-ce qui te manque, vu que tu t'es analysé? Ouais, alors ce qui me manque, moi je suis quelqu'un, bon je suis méditerranéen et la nana avec qui je suis par exemple, il y a un truc qui va paraître bête, peut-être pour vous, peut-être, mais c'est l'esprit famille. Ah oui, c'est important. Ah, non. Ah non, Samir, ça nous paraît pas bête, ça c'est important. Non, mais pour certains, je vois, ça peut. Et cette nana avec qui je suis, il n'y a rien à dire, tu vois, avec ma famille, ça se passe nickel, tu vois, elle a fait en sorte, voilà. Mais son côté, tout ça, tu vois, même avec le beau-père, ça se passe très très mal, tu vois, c'est tout ça et ça me gâche. C'est, tu vois, c'est, pour moi, l'amour, c'est peut-être pas bien ce que je veux dire, mais j'épouse, je prends la femme et pour moi, ma conception, cela est la mienne, je prends l'ensemble qui va avec. Et pour moi, c'est important aussi bien les parents, ça, les frangins. Samir, et ça, oui. Ça, on en a bien compris que du coup, les valeurs, mais je te comprends très bien d'ailleurs, hein, c'est important de partager les mêmes valeurs avec la personne avec qui on vit. Mais du coup, je suis hyper curieuse de savoir, est-ce qu'il t'entretient vraiment une relation suivie avec les deux femmes? Alors, non. Il a rien alors, fait avec l'autre. Non, non, alors là, il n'y a aucune infidélité, rien, il n'y a pas de double jeu, je dirais, avec l'autre. L'autre, si vous voulez, moi, pour être clair vis-à-vis de tout le monde, effectivement, qui peut-être à tout perdre, hein, mais moi, je suis quelqu'un de... Je te regarde droit dans les yeux. À un moment donné, pour vous dire, ma nana, à un moment, elle l'a senti. Et tellement qu'elle est bonne, je vais même vous choquer, elle m'a dit, mais écoute, si t'es pas sûr que ce soit avec moi, t'as le droit d'aller voir ailleurs et t'as le droit même de me quitter. Ah, oui. Ah non, mais je vous garantis, on parle, on se cache rien, beaucoup de respect malgré tout, on se dit des choses. Alors, Samir. Voilà. Mais au fond de moi, il y a un truc ultra profond. Moi, voilà, j'ai l'impression, Samir, que ton choix, il est déjà fait. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que si tu continues à rester avec ta femme, j'ai l'impression que tu vas nourrir des regrets. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Et aujourd'hui, même si c'est pas avec cette femme qui vient là, peut-être que ce sera avec une autre. Exactement, exactement. Eh bien, je pense que aujourd'hui, tu dois passer le cap. Et peut-être, j'ai pas du tout envie de casser un mariage. C'est pas mon but. Hein. Moi, j'aimerais que tout se passe bien et que ça se passe bien entre vous. Mais si toi, t'es plus heureux dans cette situation, eh ben la solution, c'est peut-être effectivement de la quitter, peut-être temporairement aussi. mais d'aller voir si tu peux trouver mieux ailleurs, si tu te sens mieux, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé en toi. Donc que ce soit avec celle qui vient d'arriver ou avec une autre, à mon avis, avec ta femme, en tout cas, c'est sur la fin. Ouais, ça sent la fin de l'histoire. Hein. Je suis d'accord avec Marion, Samir. Hein. Surtout si vous partagez pas les mêmes valeurs. Si tu vois, après, c'est normal qu'il y ait un attachement après plein d'années. Après, c'est pas toutes les valeurs. Attention. Je sais. Hein. C'est, mais le côté famille, bah, c'est hyper pour important. Moi, c'est plus que. Non, mais c'est voilà, ça. Même si c'est, il y a toutes les contraintes, mais moi, je m'y retrouve. Et même au niveau des enfants, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aimerait avoir. Plus d'enfants qu'aujourd'hui, alors que non, tu vois, c'est même ça, tu vois. Mais de toute façon, Samir, tu l'as dit toi-même, il te manque un truc. Donc effectivement, je suis d'accord avec Marion. Tu sais quoi, on a de la réaction pour toi, mon Samir. Ne bouge pas, peut-être qu'on va avoir du témoignage, du conseil. Et on a Johanna de Lyon, Marion. Je t'emmène dans l'est de la France, le sud-est. Bonsoir, Johanna. Salut les filles, salut Samir. Salut, ça va, Johanna? Oui, ça va. Moi, le témoignage de Samir me parle carrément parce que j'ai vécu cette situation-là il y a quelques années. Ah. Et donc, j'ai énormément de compassion pour lui. Alors, je vais essayer de faire court et synthétique. En fait, moi, j'étais mariée. J'ai flashé sur un de mes collègues, lui aussi. Mm-hmm. C'était pas un plan cul, c'était vraiment une histoire d'amour. Ça a duré un an et tout allait très bien. Je gérais bien, mon mari s'était douté de rien. Alors je tiens quand même à préciser que c'est pas un mode de vie pour moi. Hein. C'était vraiment un moment donné comme ça de ma vie. Voilà, que j'assume très difficilement d'ailleurs. Ouais. Et au bout d'un an de relation, en fait, je suis tombée amoureuse d'un troisième mec. L'enfer. L'enfer à vivre. À gérer, c'est juste horrible. Mais attends, mais comment tu t'es sortie de tout ça? T'as choisi qui? Eh ben en fait, c'était alors le mari, le pauvre, le premier, il savait rien. Mmh. Le second, alors lui, en fait, il était marié, il voulait pas quitter sa femme. Mmh. Et donc, du coup, je suis partie avec le troisième. T'as quitté ton mari? Ouais, j'ai quitté mon mari, mais alors pour bien sûr combler le truc, parce que sinon c'est encore trop simple. J'étais enceinte en fait quand j'ai connu. Moi j'ai fait pire que Samir en fait. Je galérais à tomber enceinte et en fait on était dans un processus de PMA et je suis tombée enceinte deux mois avant de connaître le troisième. Ah, c'était l'enfer. Franchement, ça a pas été drôle. J'assume ce que j'ai fait, même si c'est pas moi, mais je l'ai fait quand même. Aujourd'hui, plusieurs années après, je vis depuis 8 ans avec le troisième. On a un petit garçon qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Mmh. Et tout est rentré dans l'ordre. Et je suis toujours collègue avec le second, avec qui je m'entends très bien, qui a refait sa vie. Mmh. Et le papa de ma fille, du coup, qui a fini par accepter la situation, on s'entend super bien pour notre fille qui a maintenant 7 ans et demi. Franchement, tu t'en es bien sortie parce que c'est un beau bordel l'histoire. Bon, mais carrément, Johanna, t'es heureuse là, tout va bien. Mais alors plus jamais de ma vie je veux revivre ça, quoi. Mais plus jamais. Et quand j'entends le témoignage de Samir, ça me replonge plusieurs années en arrière. Et je pense que dans sa situation, alors moi, mon mari, il savait pas, contrairement à Samir. Dans sa situation, ce que je peux lui conseiller, s'il a quasiment son feu vert en plus, moi dans sa situation, j'irai vers la deuxième fille. Quoi. Ouais, comme nous. Un break, il faut faire un break déjà pour que lui aussi puisse faire le point, parce que quand t'es en couple, c'est dur de réfléchir. Merci ma belle de nous avoir appelé. De rien. Bisous. Bon courage à Samir, bonne soirée. Merci. J'ai envie de demander à l'équipe quand même, alors on n'a pas vécu des histoires aussi lourdes parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas été mariés, tout ça, mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'aimer deux personnes à la fois? Moi je vais vous dire la vérité, je pense qu'être attiré par deux personnes, oui. Même avoir des sentiments, je pense que oui. Mais aimer profondément deux personnes, je crois que non. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on peut aimer quelqu'un très fort et être en kiff sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que avoir un petit crush comme ça et qui te sort un peu du quotidien, finalement. Mais aimer profondément deux personnes, moi aussi, j'ai du mal à y croire. Oui, Thibaut. Franchement, si c'est possible, moi, j'étais amoureux de deux filles, j'arrivais pas à me décider. Du coup, j'ai choisi la meuf la plus ouverte, quoi, après. Ouverte, c'est-à-dire sociale? C'est celle qui était plus vierge, quoi, en gros. Oh non, c'est dégueulasse! Thibaut, la barbe! C'est la vérité, ça? Ouais, c'est vrai, ouais. Oh, mais trop de responsabilité. Oh, c'est dur. En même temps, c'est la responsabilité, mais. Je comprends, mais donc toi, t'as déjà été amoureux de deux filles? Ouais. Enzo, jamais? Jamais, non. Et d'ailleurs, je comprends pas comment on peut être attiré par une autre fille alors que t'es déjà en couple. Amir, jamais non plus. Mais quelle question, mais dis n'importe quoi. Mais non, si, mais évidemment, Enzo, tu peux, quand t'es en couple depuis longtemps ou même pas depuis longtemps, tu sais pas ce qui peut te tomber dessus. Tu rencontres quelqu'un qui partage ta même vision des choses, qui te plaît physiquement, y a pas de raison. Moi, je pense qu'il faut se mettre des barrières naturelles, tu vois. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Tu vois, sinon, il n'y aurait pas autant d'infidélité, autant de couples qui se séparent. Enzo, j'ai déjà été dans la rue avec lui. Il y a une fille qui passe à côté, qui est plutôt bien foutue. Mais ça veut rien dire. Et il me regarde, putain, regarde-la comment elle est. Mais ça veut rien dire. C'est pas pour ça qu'il irait tromper sa meuf. Non, mais je parle de. Par exemple, tu vas accoster une meuf, tu dis, voilà, après tu lui parles, t'échanges le numéro. Tu peux. Enfin, tu peux pas. Non, mais ça, tu peux pas, évidemment, si tu mets des barrières. Mais les sentiments, ça se contrôle pas. Tu peux aussi tomber sur un coup de foudre. Tu vois, tu sais pas, en fait. Yannick du Standard, aimer deux personnes à la fois, on en pense quoi? J'ai déjà du mal à aimer une personne alors. Oui, c'est vrai. Moi, lui, il a la phobie de tout. Les sentiments, du truc. Je crois que aimer deux personnes, c'est sa phobie. On a Serge de Narbonne qui est avec nous. Bonsoir, Serge. Salut les filles, salut Samir, salut tout le monde. Salut. Ça va, Serge? Bah écoute, ça va très bien. Moi, je suis un peu arrivé dans le même stade un peu que Serge, que Samir. Ouais. Mais j'ai choisi la raison, tout simplement. Je t'explique. Je suis avec ma copine depuis un peu plus de 6 ans et j'ai rencontré une fille comme ça dans la rue. On a bu un verre, voilà. On a commencé à se voir un petit peu. On a flirté, on s'est embrassé, mais on n'a pas couché ensemble. Et c'est vrai que c'était c'était la femme parfaite pour moi et elle était comment dire parfaite, elle avait des formes généreuses, elle avait vraiment elle était cultivée, donc moi c'était tout ce que je cherchais tout simplement. Et après on a décidé d'aller un peu plus loin, et au moment où on est allé dans la chambre d'hôtel, parce qu'elle aussi elle était mariée à la base, j'ai refait demi-tour. Ah, je bien. Suis allé la voir, j'ai toqué à la porte, j'ai dit écoute, je peux pas. J'ai tellement galéré avec ma copine, avec laquelle on était depuis 6 ans. Enfin, je suis encore avec elle. Hein. Voilà. Et la raison l'a emporté, l'amour surtout l'a emporté, parce que je me suis dit pour un petit coup de quéquette, je suis désolé, mais. C'est ça. Niquer 5 ans, 6 ans de galère qu'on avait fait, on a remonté la pente financièrement, moralement et plein de choses avec le travail et tout ce qu'il faut. Elle était toujours là pour me soutenir, on s'est soutenus tous les deux et je me suis dit non, pour un petit coup de quéquette, ça vaut pas le coup. Quoi. Eh ben, bravo après, mon pote. T'as réussi à faire la différence, Serge. Après, Samir, malheureusement, je crois qu'il y a un peu plus que ça. Oui, et que... il y a des vrais sentiments, il y a une vraie remise en question, il n'est pas forcément hyper bien dans son couple, donc c'est différent. Mais en tout cas, on te félicite et on t'applaudit. Oui. Bravo! J'ai entendu le son de ta voix, Serge, et je me suis dit, ça, c'est un mec bien, quoi. On t'embrasse, mon Serge. Bisous, Serge. Merci, bisous. Ciao, ciao. Bon, Samir, tu sais quoi, on peut pas décider à ta place. Nous, tout ce qu'on te conseille, c'est vraiment de prendre du recul et de faire un break déjà avec ta femme sans penser à l'autre, parce que vraiment, t'as besoin de ça. Ouais, et je pense qu'il te manque quelque chose aujourd'hui. Donc, explique-le très simplement à ta femme. Dis-lui que, bien sûr, t'es très attaché à elle, que tu as pas envie de lui faire du mal, que tu respectes toutes les années que vous avez passées ensemble, mais qu'aujourd'hui, t'as besoin d'un peu de recul, que tu vas partir quelques jours et tu vas réfléchir, tu vas voir déjà comment tu te sens sans elle, tu vas voir comment ça évolue aussi avec l'autre, et après tu prendras ta décision, d'accord? Je vous remercie beaucoup. Juste une dernière précision, ce n'est pas un sentiment, je sens pas de l'amour pour les deux personnes, attention. Oui, j'ai bien compris. C'est absolument pas, c'est pas effectivement aimer une personne, c'est déjà compliqué, c'est pas aimer deux personnes en même temps. Voilà, et c'est... merci en tout cas. On a bien compris, Samir, merci c'était juste une mise en question. On t'embrasse, Samir, bon courage à toi. Tiens-nous au courant. Avec plaisir. Au revoir. Et toi, mon pépère, est-ce que tu penses qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois, même si c'était pas vraiment le sujet, mais qu'est-ce que t'en dis? Bah, pépère, lui, il aime tout le monde, vous savez, les filles, hein. Ouais, mais alors, du coup, s'il aime tout le monde, ça peut poser problème au bout d'un moment, non? Bah, non, alors, une bite dans un cul, un pouce dans l'autre, et la grosse langue de la chatte à mémé, hein. Tu vois ça? Bah oui, c'est facile d'aimer trois personnes en même temps, hein. Ah oui, une bague technique. Bravo, bravo. Attends, mais Pépère, j'ai l'impression que tu trouves des solutions à tout. J'adore Pépère. Bon, allez, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est Pokélost qui va débarquer. Et puis tout de suite, c'est celui qui sera notre invité jeudi soir. Oh, bah c'est un Américain. Alexa Yono sur Fun Radio. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. Never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, I pray. And that's why I need a one dance. like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que viví. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher power's taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Alex Ayono sur Fun, qui sera notre invité jeudi d'ailleurs. Alors franchement, Alex Ayono, je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, mais il est plutôt pas mal du tout, c'est un joli petit loup. Hein. Non, puis en plus, à partir du moment où le mec sait hyper bien chanter, nous on est séduit. Hein. Il fait plein de covers et tout, franchement, en live, ça devrait être une tuerie. Donc si vous avez des questions, 01 42 48 5000. Et celle qui sera notre invité lundi, le 6 octobre, c'est Tal. J'adore cette fille. Moi aussi, franchement, c'est une beuh, elle est adorable. Même numéro, 01 42 48 5000. Et je pense que Tal, on va lui réserver de grosses surprises. Ça va être bon, ça. Je vous dis rien pour l'instant, petit suspense, mais soyez là. Le Poké Lost. Sur Fun Radio. Pour vous inscrire au Poké Lost, eh ben c'est toujours la même chose. Marion et Anso@funradio.fr. Le principe est simple. Vous faites croire à papa ou maman que vous vous êtes perdu en jouant à Pokémon Go, plutôt dans un endroit glauque. Ouais. Et puis s'ils acceptent de venir vous chercher, eh bien vous gagnez du gros cadeau. Ouais, 400 euros de chèque cadeau chez American College grâce à la sortie du film Vert Émeraude en DVD. D'ailleurs, on vous envoie aussi le DVD. Donc la totale, vous repartez avec un film plus des fringues. Sympa. Bah c'est pas mal, c'est tout ce qu'on aime dans la vie. Hein. Bah oui, madame. On joue avec Sébastien ce soir et Sébastien, il habite à Pau-d'Ansac. Et ça, ça me fait rigoler. Bonsoir Seb. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe de Fun Radio. Salut. Salut Bichon. Redis-moi la ville, Pau-d'Ansac. Ouais, Pau-d'Ansac, c'est genre dans le 33 à côté de Bordeaux. Ah d'accord, ah j'adore Bordeaux. Mais de toute façon, tous les trucs qui finissent en hack, c'est en Aquitaine. Pessac. Ah bah non, il y a Mérignac aussi. Mérignac, ouais. C'est pas là. Donc ce que tu viens de dire, c'est d'une idiotie. Théorie, c'est faux. Alors Seb, t'es en quelle classe? Comment ça se passe pour toi? Là en fait du coup c'est assez compliqué parce que genre là je vais rentrer en genre quatrième mais genre ça faisait quelques temps que j'étais pas allé en cours à cause d'une histoire mais voilà. Oulala, en gros là je suis en quatrième. D'accord, rien de grave. Si un peu mais c'est. D'accord, voilà, tu veux pas en parler quoi? Non franchement non. Ok, et bah garde ça pour toi, t'as raison Bichon. Et du coup on va piéger qui ce soir? Mon père. D'accord, il s'appelle comment papa? Il s'appelle Denis. Papa Denis. Ok. Il a quel genre de personnalité Denis? Bah en fait, je pense pas qu'il va vraiment s'énerver, mais je suis sûr qu'il va paniquer en tout cas. Ouais. Aïe. Bon bah écoute, on va voir. De toute façon, on est là pour sauver les meubles si ça se passe mal, ok? Ok, merci. Allez, c'est parti. Fais-le croire que tu es perdu, en train de chasser du Pokémon. Ok. Allô? Oui, allô, papa? Oui. Ouais, c'est Sébastien. Pourquoi tu m'appelles un masqué? Parce qu'en fait, j'ai un bug sur mon téléphone et du coup, ça appelle tout le monde en masqué. Là, tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler maman, ça fait pareil. Ah, d'accord, ok. Papa, est-ce que, genre, là, tu vois le Pokémon Go, l'application, là? Oui. Eh ben, en fait, si tu veux, j'ai voulu sortir du foyer et tout, ils m'ont dit d'accord. Ils m'ont dit de rentrer, genre, à peu près vers 20h et du coup, j'y suis allé. Sauf que quand j'ai vu un Pokémon rare, du coup, j'ai fait un peu d'autostop et du coup, ils m'ont emmené. Et du coup, là, je suis perdu dans une sorte de ruelle, en fait. Et du coup, je sais pas où je suis, en fait. Ah mais putain, mais t'es branque ou quoi? Oui, mais papa, il y avait un chenipan qui était apparu sur le radar, je pouvais pas le louper quand même. Ah, mais qu'est-ce que ça fout pour prendre ton chenipan de merde là? C'est du réalisme, Seb, putain, mais c'est pas. En plus, tout à l'heure, papa, il y avait même j'ai entendu des genres de bruits de métal et des gens chelous, enfin ça. Enfin voilà quoi, ça c'est chelou. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il me fait encore comme tout? Mais tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Je suis à une heure de route en plus, moi. Mais papa, t'installes juste l'application et puis après normalement tu pourras me trouver. Papa, viens me chercher, s'il te plaît. Allô? Allô? Oula. Il est plus là. Denis? Arrête, Denis! Viens, raccroche, on rappelle. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, Denis? On l'a perdu, on a perdu la connexion. Bah dis donc, faut dire que Denis, qu'il était pas dans une zone avec un gros réseau, ouais. Ça sonne plus. Tu sais où il était, là? Oui, bonjour. Aïe. Oh non, j'aime pas ça. J'appelle ma mère. Attends, on va essayer de rappeler Denis, Seb, d'abord. Fais un texto à papa, sinon. D'accord. Désolé, hein. Ah non, mais c'est pas grave. C'est surtout pour lui, parce que le pauvre, il a le cœur dans les chaussettes, donc... Papa. Ah, ça sonne. Ok. Vas-y, reprends. Allô? Oui, papa? T'as coupé? Papa, tu peux... Papa, non, papa. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Mais où? Mais je suis vers Blanquefort, t'as juste à t'aller l'application Pokémon Go et tu pourras me trouver, papa, c'est bon. À Blanquefort, vers où? C'est grand, Blanquefort. Mais si t'as pas l'application, tu pourras me trouver, papa. Moi, j'en peux plus, Denis me fait trop de peine. Non, désolé. Bon, Denis. Hé, hey, bon, allô? On arrête tout ce qui est cœur dans les chaussettes et puis tout ça, flippasse, hein. Tout va bien, mon Denis, vous êtes en direct sur Fun Radio, Seb est en sécurité. Si c'est vrai, c'était une petite blague. Ça va? J'ai trouvé les boules là. Oh, Denis, Denis, vous nous en voulez pas? Oh non. Putain. Non, calmez-vous, Denis, tout va bien, on est vraiment désolé, on pensait pas que ça vous ferait cet effet là. Et en même temps, Denis, il faut dire aussi que c'était alléchant parce que Sébastien, il voulait jouer, vous faire croire qu'il était perdu pour gagner 400€ de bon d'achat pour American College, qui est une super marque. Ouais. Donc, forcément, c'était tentant. Hein? Comprenez, Denis? Bon, ouais. Denis, dites-vous bien quelque chose. Déjà, vous êtes un super papa, et surtout grâce à vous, eh ben Seb, il a gagné, bravo! Ah putain! Yes! Oh, nom de Dieu! Oh Denis, vous pleurez pas! Wow. Attendez, vous pleurez de joie ou de tristesse? Denis? Émotion, c'est bon. En plus, je me suis fait piller comme un idiot. Je... Bah oui, bah c'est pas grave, ça c'était... Et vous savez... une radio, mais bon, j'en fais... Vous savez, Denis, vous n'êtes pas le seul à vous être fait piéger. Franchement, c'est arrivé à plein de papas-mamans. Ouais, on est sur une grosse pelle de 30 personnes. Hein, Sébastien, dis à papa que tu l'aimes. Oui, papa, je t'aime, je suis désolée aussi. Je savais pas que t'allais pleurer autant. Oh, le salaud. Voilà. Ah, bah, tout est bien qui finit bien. Hein. Denis, on vous embrasse fort et bah, on se tient au courant. Maintenant, on est un peu comme des poteaux, quoi. Hein. On se rappelle. D'accord, continue. Allez, on vous embrasse tous les deux. Soyez heureux. Oui, bien sûr, c'est bon, t'écoute. D'accord, bah, je fais une dédicace à Benjamin, du coup, qui est mon collègue de chambre au foyer. Ouais. Je fais une dédicace à ma famille et à Florian Douglas, qui se reconnaissent. Ok, et bah nous, on t'embrasse très fort, Bichon, bravo encore. Merci, au revoir. Ciao. Et j'en profite également pour embrasser Michael Douglas. Bon, reste avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, ce sera l'instant Fion. Oui. Et j'aime beaucoup ce qui va se passer, puisqu'on aura Enzo au téléphone. Encore un Enzo? Bah, tu sais, on est prenés. Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on a 3 Enzo par soir. Qu'est-ce qui se passe avec ce prénom? Mais je te le dis, on est les premiers. Allez, franchement, les gars, prochain communiqué de presse de sondage. Marion et Enzo, le Night Show, premier sur les Enzo de France. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un prénom à la mode pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai. Bon, Enzo, il part souvent en week-end avec sa meuf et il a envie de faire un truc. Il a envie de la convaincre de lui faire une fellation dans la voiture. Ah, oh, sympa. C'est pas mal. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs en voiture, vous, les minous? Oh, ouais. Oui, ça m'est arrivé. Eh ben, une belle équipe de chaudasses. 01 42 48 5000. En tout cas, on parle de Fion avec vous dans un instant. Et on se retrouve juste après. Clairement, mon son préféré en ce moment. Il est juste énorme. Découvert sur Fun Radio en plus. The Weeknd et les Daft Punk sur Fun. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Yeah. Main out of your league too. Side out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like take any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you done. Another fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like take any lane. I switch out my car if I kill anything. Look what you done. I'm a star boy. Il va être l'heure de parler cul dans le Night Show, 23h43. Et juste avant d'accueillir Enzo, qui a un souci, enfin plutôt un fantasme avec sa copine, ouais. Je voudrais vous parler de quelque chose. Je pense qu'Enzo, tu en as entendu parler parce que ça nous avait fait marrer il y a quelques jours. Ça s'appelle l'ovipositor. Ah oui, est-ce oui, que oui, ça vous parle? Ah non, mais c'est un truc hyper chelou. Alors, il s'appelle Lone Wolf. C'est un Amérindien, en fait, qui est en train de faire un carton. En gros, il a créé cet ovipositor. C'est juste un énorme sextoy, un énorme god, hein, qui permet de déposer des œufs visqueux faits à partir de gélatine dans le vagin ou dans l'anus, puisque, a priori, la nouvelle mode, en fait, ce serait de s'enfoncer des œufs d'aliens pour voir ce que ça fait dans le corps. Oh. Ouais, non, mais en fait, c'est surtout que les œufs d'aliens, quand tu les expulses, visiblement, c'est à ce moment-là que tu éprouves du plaisir. Et donc, le god est en forme d'une espèce de tentacule de créature d'aliens, en fait. Hein. Alors, c'est ça. Donc, tu les mets par un trou. Tu te les rentres par ton propre trou, ouais. Et après tu expulses l'œuf ou les plusieurs œufs. Oh. Et c'est à ce moment-là de l'expulsion que tu éprouves du plaisir. On est d'accord que, à part si tu fantasmes sur Bogdanov, il n'y a aucun intérêt. Qui va utiliser ce dos, franchement? Ouais, c'est hyper spé. Mais le gars a fait une vidéo YouTube, ça a fait un tel carton, il explose les ventes. Mais c'est un truc de dingue. Moi je me dis, mais qui va acheter ce dos en se disant, tiens, je vais acheter des œufs d'aliens aujourd'hui? Et mais je sais pas. Dommage que mon anniversaire n'approche pas. N'importe quoi. Ça me chauffe pas du tout. Bon, Enzo, tu es avec nous. Enzo de Paris, bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir les beurs. Hello, beurs. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Enzo, on a un petit fantasme avec sa copine. Oui, tout à fait. Mais voilà, je sais pas trop comment lui demander parce qu'on part souvent en week-end. Et mon petit kiff, ça serait une petite féfé pendant le trajet. À la féfé, quoi. On aime bien la féfé. Le raccourci. Je vais t'expliquer pourquoi on rigole, parce que dans cette équipe, les garçons utilisent que des raccourcis pour parler cul. La non, féfé, mais... la leuleu, hein, tu voudrais dire la leurette. Enzo, Enzo, tu connaissais la leuleu? C'est la base. Non, mais attendez, la base. Ah. Parce que j'imagine les gars dire à leurs potes, ah bah, j'ai pris au calme ma copine en leuleu. Voilà. Avant une petite féfé. Et puis j'ai fini par une petite soso. Bon, d'accord. Donc toi, tu fantasmes là-dessus. T'as envie que, en gros, quand tu conduis, elle te fasse une fellation. Voilà, c'est ça. Bon. Ok, bah ça me paraît plutôt abordable. Je pense qu'il faut lui en parler. Moi aussi, bah on va essayer de te trouver des solutions pour essayer de rendre le. Tu veux rendre le truc un peu plus romantique, c'est ça? Ouais, voilà, être moins cash, quoi. D'accord. Bon. Bah déjà, Féfé oublie. Hein. Enzo, on va essayer de te trouver des solutions. Et si vous avez déjà fait des trucs. Tiens, spécifiquement dans la voiture. Oui, j'aime bien, moi, les délires de voiture. Appelez-nous là, 01 42 48 5000 ou comment, pourquoi, sur une aire d'autoroute. C'est l'enquête que nous ouvrons maintenant dans le Night Show. Allez, bougez pas, on revient tout de suite sur Fun. Let the beat. Fun.

sur Fun Radio. Et on parle cul avec Enzo. Enzo, il prend souvent la route avec sa copine pour aller en week-end. Mmh. Et il a une idée derrière la tête. Il a envie que sa copine lui fasse une fellation au volant. Alors, ça peut être dangereux. Je tiens à mettre les gens en garde parce que quand tu roules, je sais qu'il y en a plein qui le font, mais ça peut être dangereux. Ça peut déconcentrer. Enfin, c'est pas très conseillé quand même. Hein. Ouais, surtout sur l'autoroute. Enzo. Oui. T'es à l'arrêt. C'est mieux, non? Ouais, t'as pas peur quand même de perdre un peu le contrôle de tout ce qui est véhicule? Non, non, on reste focus sur la route pendant qu'on a une petite, un petit plaisir. Moi, je te conseillerais quand même, alors le mieux, c'est que tu chauffes ta copine gentiment pendant que t'es sur la route. C'est-à-dire que tu lui dis des choses, etc. D'accord? Ouais. Que t'as envie, machin. Et là, première occasion, comme ça, le désir va monter. Première sortie, première aire de repos. Tu t'arrêtes et là vous le faites. Déjà c'est plus sécure et en plus tu vas voir ça va monter d'un cran comme ça le désir. Tu vois. Ouais, c'est pas bête ça Marion. Hein. Moi c'est ce que je ferais à ta place. Toi t'as déjà fait des trucs dans les voitures Marion? Pour être très honnête j'ai déjà fait des préliminaires. Oui je trouvais ça excitant mais ça m'est arrivé que rarement et jamais en roulant. Voilà. Ouais. Mais oui c'est marrant voilà c'est à le côté on est pressé on peut pas attendre donc on le fait. Et toi? Moi, figure-toi que je n'avais jamais rien fait dans une voiture avant d'aller à Ibiza. Ah oui, c'est vrai. En juin dernier, j'ai fait la première fois l'amour dans une voiture sur le périph d'Ibiza en plus. Et c'est la première fois de ma vie. D'accord. C'était quoi comme voiture? Une Seat Ibiza? Oh là là. On est consternés. Oh, oh ça là va, on peut me soutenir là-dessus. Hein. Non, c'était pas une Seat Ibiza, mais c'est une petite voiture, quoi. Franchement, merci Yannick du Standard et Nicole Stagiaire, ils ont ri. Et franchement, heureusement, ils m'ont sauvé. Ils sont mais consternés, quoi. Non, ils ont ri. Et donc, oui, moi aussi, je l'ai fait, mais pareil, Enzo, à l'arrêt. Hein. D'accord, en fait, mode sécurité, quoi. Mode sécurité. Bah, c'est mieux. Après, tu peux commencer un petit peu, mais franchement, si jamais il t'arrive un accident, tu le regretterais, nous aussi. Donc, je préfère que tu le fasses à l'arrêt. Et puis en plus, moi je trouve que c'est pas confortable une voiture, je suis désolée, mais. Non, pas du tout. C'est chiant, tu peux pas faire 10 000 positions, les sièges ça se rabat pas vraiment comme il faut. Je suis d'accord. C'est marrant, mais puis il y a de la buée partout après, oh, c'est une galère. Hein. Ah non, hein, je te le dis, moi, Enzo, je suis pas au pouls. Alors rabat-moi. Bon, on a du monde pour toi au Sanda. Il y a Yannick aussi qui avait une histoire de voiture. Non, je voulais juste lui dire, fais attention en roulant parce qu'il y a les camions sur l'autoroute. Moi, une fois, je me suis fait sucer, il y a un camion. Non, Jean-Michel Romantique. Mais je vous jure que c'est vrai. Et du coup, c'est le camion, vrai. Vu qu'ils sont hauts, ils nous voient. Bah oui, c'est vrai. Les camions peuvent te capter. Donc fais attention. Et surtout, si les flics te captent, ils t'arrêtent. Hein. Ah oui, tu l'as là, direct, c'est de l'exhib. Et en plus, c'est dangereux. Conduite dangereuse. Donc. Bah là, pour le kiff, on redescend vite sur terre. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, oui, il y a moyen que tu sois plus très très en l'air, effectivement. Il y a Maxime de Lorient qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, les filles. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Mais oui. Alors, est-ce que toi, tu as déjà fait quelque chose dans une voiture? Oui, j'ai fait quelque chose dans une. Enfin, c'est pas vraiment une voiture, c'est mieux. C'est quoi? C'est une limousine. Wow. Oh. Ah, bah là, il y a de la place. Alors, excuse-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je t'explique, on avait loué avec des potes une limousine pour l'anniversaire d'une copine. Mm-hmm. Enfin, c'était une copine, c'était plus un plan cul pour moi. Et j'étais chez elle, on avait la limousine avec le chauffeur qui nous attendait, et puis on devait aller rejoindre nos potes, il y avait 20 minutes de trajet. Attends, Maxime, excuse-moi, tu loues une limousine pour un plan cul, toi? Bah, pour aussi une amie qu'on avait avec plusieurs potes. Ah oui, d'accord. Bah, d'accord. Mais c'était pas vraiment sérieux entre nous, ce que je veux dire. Mmh. Et donc on lui a loué une limousine, on avait 20 minutes devant nous de trajet, on en a profité pour faire l'amour dans la limousine. Et alors, est-ce que tu as kiffé? Mmh. Oui, c'est très très bien, c'est même mieux que dans un film porno même, je trouve. Bah, oui, j'en doute pas, mais... ils font pas ça dans les films porno d'ailleurs. Mais alors attends, Maxime, est-ce qu'il y a vraiment la vitre que tu peux fermer entre le conducteur et le reste de la voiture? Ah bah oui. Elle était déjà mise, j'ai vérifié avant. D'accord, et franchement ça doit être pas mal parce qu'en plus tu te sens hyper à ton aise, tu te sens un peu le roi du monde, t'es dans ta petite limousine là. Ouais, puis c'est hyper excitant parce que tu passes dans des endroits où il y a plein de monde mais eux te voient pas, ça c'est cool. C'est pas mal. Merci les vite teintés. Hein. Eh ben, ah oui, écoute, bah, en tout cas, ouais. On les remercie pas assez souvent. Les belle perf mon pote en tout cas. Bisous à toi Maxime, on t'embrasse. Salut. Bisous. Les garçons dans l'équipe, levez la main, celui... qui a déjà fait quelque chose dans une voiture, je l'interroge. Amir, Enzo, Thibaut. Ouais. Ok, Thibaut, Enzo. Oui, vas-y, Enzo. Moi, j'ai déjà démonté des essuie-glaces parce qu'il marchait. Ok, il a rien fait. Thibaut, à l'area. Ouais, moi, en fait, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes grands-parents avec ma copine. On y va tous les deux. Ouais. Au milieu de la soirée, on chauffe. On commence à se dire, allez, on va faire l'amour dans la voiture. Sauf que mes grands-parents étaient super fatigués. Ils font, bon, bah, on va aller se coucher. Et du coup, ils sont allés se coucher. Ils sont sortis de la maison. Et la maison, bah, elle était à côté de la voiture, et ils sont appuyés contre la voiture et tout pendant qu'on était en train de faire notre truc. Mais non, je te jure. Ils vous ont pas vu ? Non, ils ont pas vu en fait. Ils ont, je pense qu'ils avaient un peu bu ou ils sont un peu vieux, je sais pas. Et genre, on était trop stressés, on était à poil dans la voiture et t'as tes grands-parents qui sont là à côté. Oui, bah, le beau temps, oui, c'est vrai que ça roule, tout va bien. Oh l'enfer. En même temps, avec la buée, ça te fait de la vitre teintée, hein, quand même, Maxime. Merci, les vitres teintées. Amir, est-ce que toi, tu as déjà fait quelque chose dans une voiture ? Bien sûr. Dis-nous tout. Je me suis déjà fait sucer dans une voiture. Ah, toi aussi, alors c'était comment ? C'était particulier, c'était dans un parking, il faisait noir, du coup la meuf elle a sucé le 2 de vitesse. Arrête ! T'imagines ou pas ? Elle s'est trompée la meuf. Elle a donné un coup de langue sur le 2 de vitesse. Oh, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Vous savez qu'il y a cette grande légende du showbiz, hein, comme quoi une grande animatrice aurait fait des choses avec un levier de vitesse. Je la citerai pas parce que ça fait partie de la légende. Et qu'elle est restée coincée ? Non. Ah bon ? Mais il y a des gens aussi qui disent qu'ils ont resté coincés sur des leviers de vitesse, non ? C'est une animatrice très connue de TF1 qui, a priori, son kiff, c'est ça, se mettre le levier de vitesse là où je pense. Oui, sérieux ? Non, oui, je te jure. Ouais, ouais. Je sais pas qui c'est moi. Eh bah, bien, tu sauras pas parce que t'es capable de cafeter toi. Ouais. Amandine à Arles est avec nous. Bonsoir Amandine. Bonsoir les filles, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Ça va Amandine ? Ça va, oui, merci. Ouais, alors, qu'est-ce que t'as fait toi avec cette voix sexy là ? Trois fois rien. Dis-nous. En fait, je me suis déjà masturbée avec mon levier de vitesse. Ah, ah bah. Toi aussi. Ah. Est-ce que tu serais pas animatrice sur ça ? Non, j'aimerais bien. Alors attends, parce que moi je vois vraiment pas l'intérêt, parce que ça pour le coup c'est dur, ça vibre pas, enfin je vois vraiment pas. Non, puis globalement autour t'as les sièges qui te gênent, il y a plein de trucs qui te gênent. Et puis la position elle est angoissante quoi. S'accroupir comme ça. Non, mais j'étais à genoux et puis à genoux une jambe sur chaque siège. Mm-hmm. Et voilà, je... D'accord. Je fais des allers-retours, quoi. Et t'as bien aimé ? C'était sympa, ouais. Bah écoute, c'est bizarre, mais est-ce que tu l'as fait devant un garçon ou juste vraiment que pour toi ? Non, mais que pour moi, mais je pense que la prochaine étape, ce serait peut-être ouais, devant un passager. Jamais de la vie. Et alors, admettons, Amandine, j'ai une question. Si tu vas dans une boutique de pièces détachées automobiles et qu'il te donne un pommeau, un levier de vitesse, est-ce que c'est toujours un kiff pour toi ou est-ce que tu préfères vraiment que ce soit à l'intérieur du cockpit, j'ai envie de dire ? Non, c'est moins drôle s'il n'y a pas la voiture. Oui, c'est moins drôle. Si... Ouais, c'est ça. C'est moins, ouais. C'est moins drôle s'il n'y a pas de difficulté, quoi. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, chacun son kiff. Si toi, ça te fait plaisir de faire ça, bah continue. Mais peut-être désinfecte-le avant, parce qu'il y a pas mal de mains qui touchent ce levier. Je suis en train de penser, ça doit être sale, bactéries, tout ça, quoi. Hein. Bah non, moi, il y a que moi qui touche mon levier de vitesse. Oui, mais enfin, d'accord. T'as pas toujours les mains propres. Non, mais elle met une capote sur le levier. Oh non, mais arrête, c'est bien glauque. Bah si, c'est vrai. Il y a des meufs avec les légumes, elles mettent des capotes dessus. C'est vrai. Pour que ça glisse mieux. Ouais. Et ben, écoute, ouais. Bah écoute, j'ai l'image là. Amandine, je voulais te dire, continue sur l'autoroute du kiff avec ta voiture. Merci beaucoup. On t'embrasse, Amandine. Bisous. Bonne soirée, bisous. Salut. Bon, Enzo, il va falloir que tu parles à ta copine. Tu lui dis, écoute, j'ai envie de pimenter un peu le truc. La nana, elle va en plus trouver ça marrant et rigolo. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il faut lui parler avant. Moi, je pense qu'il faut pas que ce soit un truc mûri, réfléchi. Je pense que quand tu seras sur la route avec elle, il faut que tu fasses genre, ça vient de te venir l'idée. Et genre tu as une folle envie d'elle là à ce moment-là et limite tu vois t'as envie de t'arrêter et parce que si tu vois tu lui en parles avant elle va trouver ça chelou, elle va se mettre la pression et tout quoi. Tu comprends ? Ouais, la prendre un peu au dépourvu quoi. Ouais, ouais. Lui dire sur la route tu veux pas commencer une petite gâterie. Mais bon, attention hein sur la route, attention, ouais. Arrêtez-vous plutôt quand même. On préfère l'air de repos. Mais tu nous tiens au courant quand tu l'as fait, d'accord ? Ok, pas de souci, on ira en douceur. Voilà, et on t'enverra bien sûr la médaille de la fellation sur autoroute. La féfée. Ah, la petite féfée autoroute. Bisous, on t'embrasse, Enzo, bisous. Allez, bisous, bonne soirée. Pépère, est-ce que toi, tu as déjà fait quelque chose à bord d'une voiture ? Bah, Pépère, lui, il a déjà fait l'amour, non pas dans une voiture, mais dans un bus ! Merci, Thibaut. Ah, dans un bus, et c'était avec qui ? Comment ça s'est passé ? Bah, c'était dans le bus des enfoirés, quand ils partaient en tournée, je les ai tous enculés un par un, même la petite Laine. Oh non ! Oh non ! Bah, d'ailleurs, on les appelait plus les enfoirés, mais les enculés. Arrête ! Ouais. Ça va pas, non, on touche pas, ça bah, c'est attends, je regarde si ça va. C'est des icônes. Moi, j'aime pas quand tu t'attaques à eux. Je les adore, les enfoirés. Je crois que c'est là-dessus hein, qu'il faut accueillir Adrien Thomas. Ah, bonsoir Adrien Thomas. Je pense, oui. Sur des enculés donc. Hein. T'as déjà fait des trucs dans des voitures toi ? Ouais, mais alors franchement, je trouve ça, mais Nul de chez nul. Moi, je suis un mec très conventionnel, moi. C'est canapé, lit, c'est. Tu vois. Ça m'étonne pas. C'est voiture, bon, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Moi, je suis d'accord avec voilà. Toi. Ouais, tout c'est... ce qui est siège, levier, tout ça, c'est vrai que bon, bah, tu dérapes un peu, bim. On n'est pas à l'abri d'une erreur syndicale. erreur syndicale. Vraiment, c'est. Ah, mais en plus, il y a le frein à main aussi. Maintenant, il n'y a plus trop dans les nouvelles voitures le frein à main. Donc, y a enfin, frein à main, dis donc, il faut y aller quand même pour se le mettre. Ouais, non. Écoute, oui. Écoute, Adrien, félicitations. Adrien Thomas est avec vous là pour Party Fun jusqu'à 1h du mat. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission, l'équipe? Attention au hasard, Marion. Alors moi j'ai retenu qu'en Russie il y a une soirée qui a mal tourné puisque des garçons ont voulu comparer leur taille de tub et que un était jaloux, du coup il s'est dit je vais arracher la tub de l'autre avec une hache et il l'a fait en Russie, horrible. Bravo la Russie. Amir, qu'est-ce que tu as retenu de cette folle soirée? Bah avec l'application que j'ai donnée en début d'émission Friend Swipe. Ouais. Il y a des gens qui m'embrouillent, ils me disent à cause de toi j'ai découvert que ma meuf est sur Tinder. Ah c'est dur. Attendez, mais moi je l'ai téléchargé pendant les disques, j'ai découvert plein de potes. Non arrête. Hallucinant. Qui sont sur Tinder. Ouais, qui sont sur Tinder. Et qui sont en couple. Alors qu'ils sont en couple. Mais non. Adrien Thomas, c'est une application qui s'appelle Friend Swipe et en fait ça te permet de voir qui de tes potes Facebook est connecté sur Tinder. Ouais. Ou alors à un compte sur Tinder. Ouais. Ah ouais, ok. Super. Et genre tu peux aller les liker direct. Non, non. Contre, mais tu vois le profil. D'accord. Tu as ton pote qui dit en couple, et bah. Ah, okay. Tu vois, Ishin. Thibaut à l'arrêt, toi, qu'est-ce que t'as retenu de cette soirée? Moi, j'ai retenu que Marion, elle avait largué un mec sur Facebook et en plus, c'est même pas elle qui l'a fait, elle a envoyé un pote pour le faire. Lâche. Ouais. Je suis désolée, hashtag lâcheté et je le referai plus jamais. Moi, je pense qu'on t'a pardonné, Babber. Merci, Babber. Merci. N'oubliez pas qu'on vous retrouvera demain soir en direct à partir de 22h et que notre invité, ce sera Boosty. Hyper sympa. Ça va être chiant, mais c'est en live en plus, hein. Soyez bien là si vous avez des questions. Marion et Anne sur @funradio.fr, hashtag le night show. Et puis ceux qui vont vous réveiller demain matin, ce sera Bruno dans la radio à partir de 6h du mat. Oui, et n'oubliez pas d'aller voir notre vidéo avec Kev Adams hier. Elle est sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Et qu'on partage et qu'on like. On compte sur vous les beurs parce que franchement, elle tue cette vidéo. Voilà. On se quitte en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Bienvenue sur Fun Radio jusqu'à 1h du matin. Party Fun ce soir avec le son. Est-ce que vous avez entendu le nouveau Major Lazer avec Showtech? Oui. Non. Il s'appelle Believer. On l'a joué aujourd'hui sur Fun Radio. Il l'avait joué la première fois à la Fun Radio Ibiza Experience. Les exclus. Elles sont ici. Voilà. Hein. Bon, tout le monde s'en fout, mais. Mais non, pas du tout. En plus, je me souviens, c'était l'un de mes moments préférés à la Fun Radio Ibiza Experience. Showtech, c'était ouf. C'est vrai que c'était pas mal. Mais depuis que un des deux frères s'est fait pousser la barbe, genre de ouf. Oui, la boucle est dégueulasse. Non, je sais, ça vous avait manqué. Mais en même temps, si je lâche, il va chanter. Donc, non, je disais qu'il y a un des deux frères qui s'est laissé pousser la barbe et ça lui va pas du tout. Voilà, c'était un petit moment physique. Oh là là, excuse-moi, la Fashion Police. Donc, le nouveau Major Lazer avec Showtech. Il y aura aussi Galantis. Et voici Kongs avec Don't You Know. Des bisous et puis à demain. Hein. Bisous. I'm gonna ride your bike, take it left.